Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 23, Le bel inconnu de Renaud de Beaujeu. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Aujourd'hui, pour ce 23e épisode de Rex Quondam, Rexque Futurus, nous sommes en juin 2019. Nous allons aborder le bel inconnu ou l'esbure desconnu d'un certain Renaud de Beaujeu, qu'on va pouvoir vous présenter plus avant. C'est une romance, un roman de 6000 et quelques vers qui s'inscrit vraiment dans la lignée de Chrétien. On a beaucoup de choses qui s'inspirent beaucoup de Chrétien de Troyes, donc si vous voulez écouter nos trois épisodes sur les œuvres majeures de Chrétien de Troyes, on vous y invite. Mais avant d'aborder l'œuvre a priori de Renaud de Beaujeu, un petit point sur l'actualité arthurienne. Récemment, les éditions Anacharsis se sont mises à publier une traduction du Tristan en prose, dont c'était d'ailleurs, on avait eu loisir de se plaindre du fait qu'on manquait un peu d'édition, c'est-à-dire qu'il y a une traduction édition qui est en cours, mais qui est faite un peu dans le désordre, et chez différents éditeurs, et puis un peu difficile à trouver, et à naviguer, puis c'est un texte très long. Eh bien, les éditions Anacharsis ont essayé de se fier à un seul manuscrit, donc c'est pas une édition critique, mais d'en proposer une traduction moderne, et de vraiment la valoriser sur le plan littéraire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le premier tome qui fait à peu près 700 pages, qui s'appelle Le Filtre, qui parle de la naissance de Tristan. Comment est-ce qu'il. C'est vraiment une espèce de. On abordera plus tard dans l'année le Tristan en prose. C'est vraiment le Lancelot Graal, mais avec Tristan. Donc, on a littéralement tous les. Le début avec des royaumes en guerre, puis sa naissance dans un endroit conflictuel, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de. D'Iseu, puis qu'il se barre, et puis après, il rejoint la quête du Graal et il devient un chevalier de la table ronde comme les autres finalement. C'est donc prévu sur 5 années, chaque année sortira un volume de 700 pages pour avoir au final une espèce de saga. Et ils ont vraiment choisi de le valoriser comme une espèce de saga young adult, genre si vous regardez la couverture, si vous regardez le marketing, etc. On est vraiment intéressé par le côté littéraire, donc c'est très intéressant en termes de mise à jour de cette littérature en fait. Et aussi, il faut noter qu'ils ont un podcast, c'est-à-dire ils ont fait une série de 8 épisodes, qui est encore en cours, je crois, où ils lisent des extraits de leur traduction, puis ils mettent un peu en musique des poèmes, ce genre de choses. Oui, c'est une initiative intéressante pour servir, disons, de compagnon aussi de publicité. Ils tombent sous les foudres de Yann parce qu'ils ont mis leur podcast sur SoundCloud, mais vous le trouvez dans les meilleures crèmeries. Il peut être un peu difficile à trouver si vous n'utilisez pas iTunes, je pense, mais vous devriez pouvoir l'écouter. En fait, c'est des épisodes assez courts, hein, ça fait quoi, 7-8 minutes par épisode. C'est des petits extraits, donc c'est vraiment l'idée de valoriser un peu le texte. Les passages musicaux sont peut-être un peu. Bon, ça faut voir si c'est du goût de tout le monde. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée d'en faire quelque chose de littéraire, et puis notamment d'avoir des préfaces. Pour la première préface, ils ont eu monsieur Mika Birman, que je ne connais pas très bien, pour faire la préface, mais ils vont aussi avoir Timothée de Fombelle, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit Toby Lulness, qui était un roman jeunesse qui a eu quand même pas mal de succès il y a quelques années. Donc c'est intéressant en tout cas qu'on ait ce genre d'initiative autour de la littérature arthurienne. Il n'y a pas que des éditions critiques. Surtout pour un texte aussi mal connu et peu lu et peu difficile et aussi difficile à obtenir que le Tristan en prose. Donc c'est une traduction du moyen français par Isabelle Dégage. Le tome 1, Le Filtre, est sorti aux éditions Anacharsis. On les remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé un volume pour qu'on puisse le critiquer en avance pour vous. Enfin, il est déjà sorti, mais. Le lien. Non, vu qu'on va vous aborder le Tristan en prose bientôt, ça sera assez intéressant de pouvoir comparer ça. D'autant que j'ai l'impression que c'est souvent le début du Tristan qui est un peu mal édité. un peu confus suivant comment, donc on vous en donnera des nouvelles en tout cas. Ils ont eu l'idée saugrenue d'éditer cette œuvre dans l'ordre, alors... Oui, effectivement, pour des arthuriens comme nous, ça paraît un peu surprenant. Mais en tout cas, bientôt plus de nouvelles sur le Tristan quand on abordera cette œuvre. D'ici là, aujourd'hui, on va effectivement se consacrer à une œuvre un peu plus courte, disons, que le Tristan en prose, heureusement. Une œuvre, c'est un peu un throwback, en fait. Hein. C'est vraiment une romance qui s'aligne tout à fait avec la tradition de Tristan. On peut repérer peut-être des éléments qu'on peut penser, disons, plutôt tirés des versions en prose, quand même. Certaines allusions, ou en tout cas, certains, disons... On est déjà dans ce domaine où ça devient un peu caricatural, parfois, je trouve. On a déjà des éléments un peu récurrents qui sont un peu utilisés comme des briques assez intéressants. C'est vraiment une œuvre qui date à peu près contemporaine, sans doute, des œuvres en prose, en fait, dont on a parlé jusque-là. Il est attribué ce bel inconnu à un certain Renaud de Beaujeu dans le texte, hein, donc qui se présente. Alors, il y a eu des interprétations assez différentes, parce qu'il y a eu plusieurs familles de Beaujeu, ou de Bageu, ou de Bagé. Et pour l'instant, ça serait l'idée, c'est que c'est un cadet d'une famille de Bagé, qui serait un certain Renaud de Bagé, seigneur de Saint-Trivier, qui aurait vécu autour de 1165-1230 à peu près. Donc c'est l'idée assez générale que ce type aurait vécu plus ou moins vraiment à cheval sur le 12e-13e siècle. Donc on est vraiment à la toute fin de l'époque de chrétiens et tout au début de l'explosion arthurienne, si on veut. Ouais, il a un des indices notamment, c'est qu'on mentionne à un moment des armoiries qui cadrent assez bien avec celles de la famille de Bagé, donc ça a été une espèce d'indice qu'on a utilisé. Alors après, on peut débattre si c'est vraiment fiable ou pas, mais disons, il y a une espèce de faisceau d'indices qui converge vers ce bonhomme, même si ça reste relativement débattu. Après, certaines personnes, notamment les éditeurs, Michel Perret, qui est l'éditrice et une des traductrices de la version qu'on a lue, on vous en parlait dans un moment, pense qu'il a été écrit sans doute avant 1210, parce que je crois que c'est Wigalois qui aurait été une espèce de version allemande, qui aurait été inspirée par Renaud de Beaujeu, qui aurait repris des éléments, et donc du coup ça aurait été une inspiration directe. Moi je trouve que c'est vraiment tôt 1210 pour ce genre d'œuvre, sachant que les versions en prose datent des années 1220-1230, il y a quand même des éléments que j'ai l'impression... Après, le seul vrai lien fort qu'on peut voir, c'est vraiment Chrétien, qui est clairement parodié même par moments chez lui. Il y a énormément de morceaux qui viennent très clairement de Chrétien et que vous pouvez reconnaître. C'est une combinaison un peu d'éléments d'Erec. On retrouve des éléments d'à peu près toutes les légendes arthuriennes, à part peut-être Cligès. Il y a vraiment beaucoup de Perceval. Il y a beaucoup de Perceval, il y a beaucoup d'Yvain, il y a beaucoup d'Erec, et puis un peu de Lancelot par certains aspects éventuellement. Mais ça, c'est presque plus dans le Lancelot, c'est presque plus dans le cadre un peu narratif, parce que Renaud de Beaujeu fait souvent des apartés pour parler d'amour et de tradition amoureuse. Il semble être dans une situation très effectivement Lancelot-Guenièvre, donc enfin pire pour lui, mais c'est ça peut-être qui est un peu l'inspiration. En tout cas, c'est une œuvre très intéressante qui a l'avantage d'être assez courte effectivement comparée aux œuvres en prose. Donc autour de 1210-1220 peut-être, c'est vraiment une œuvre qui veut s'inscrire dans un canon arthurien tel que Chrétien l'a écrit. On retrouve pas mal de noms, d'éléments, de personnages arthuriens mentionnés ça et là, mais le principal protagoniste, le bel inconnu en fait, il a un lien très fort avec Arthur puisque c'est son petit-neveu, c'est le fils de Gauvain en fait. C'est toute l'idée du récit, c'est qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui est le bel inconnu. Justement, il se présente, il ne sait pas son nom lui-même, et quand il se présente à la cour d'Arthur, on lui donne ce surnom. Et on va apprendre en fait, plus tard dans le récit, qu'il s'agit de là de Guingalin ou Guinglin. C'est marrant parce que Gauvin a presque l'impression que Gauvin nomme son fils, fait nommer son fils, ou le fils de Gauvin est nommé à peu près d'après son cheval, parce que ça ressemble un peu à Gringalet, je trouve. Ouais. Il y a des gens qui ont essayé de déceler derrière le terme en fait un nom gallois du type Gwynglain, qui serait Gwyn, qui veut dire clair, blond, blanc, donc qu'on trouve effectivement dans plein de prénoms d'origine. Après, je me demande aussi si en partie c'est pas l'osmose culturelle de la matière de Bretagne avec tous ces noms dérivés du gallois dans la tête des écrivains arthuriens, ça leur donne pas la capacité de générer des noms qui pourraient potentiellement venir du gallois, même s'ils en viennent pas du tout. Et Guinglain, en fait, est le fils que Gauvin a eu avec une fée, dont on va l'apprendre plus tard, et en fait, du coup, c'est presque un peu comme si Renaud de Beaujeu a lu Perceval, puis il s'est dit, c'est marrant, le héros, on le connaît pas, mais en fait, ça sert à rien qu'on le connaisse pas dans l'absolu. Il y a peut-être un élément symbolique dans le fait que Perceval ne sache pas qui il est vraiment ou ne se connaisse pas son nom, mais c'est pas vraiment exploité, c'est pas un personnage qu'on devrait connaître ou c'est pas le fils secret. Alors Renaud de Beaujeu, en fait, par moment on a l'impression qu'il essaie de faire vraiment une version un peu il est vraiment très méta par moment en fait. C'est l'élément principal que j'ai retiré de ce récit, c'est que le bel inconnu prend beaucoup des codes qu'a établi Chrétien et il les tord un peu ensemble. Il fait quelque chose d'assez self-aware, en fait, j'ai l'impression. Comme tu disais, il y a presque une dimension parodique. Oui, c'est ça, mais ça a aussi ce côté un peu malin. On a vraiment l'impression qu'il a, pensé un peu plus loin. Il se sent malin, il a pensé un peu plus loin, il a pensé à certaines conséquences logiques. Typiquement, il y a une scène, on va en parler, mais il y a une scène de chevalier qu'on va renvoyer à la cour d'Arthur. Et à un moment, puis je me suis dit, bon, bah, ça va être encore un de ces chevaliers, comme dans les continuations de Perceval à l'infini, où on trouve ces chevaliers qui sont horribles, et puis d'un coup, ils sont convertis, et ils vont se faire pénitence à la cour d'Arthur, et ils viennent du compagnon de la table ronde. Mais il y a un chevalier dans Le Bel Inconnu qui, justement, ne fait pas ça. Enfin, on lui demande de faire ça, puis il le fait pas, immédiatement, en tout cas. Et j'avais trouvé l'aspect assez rigolo et bien pensé. Après, effectivement, c'est un texte qui a l'avantage aussi de se lire vite, même par rapport à Chrétien, je trouve. Il est assez court, il est assez excitant presque, il y a beaucoup d'éléments intéressants et il va un peu à l'encontre de certains éléments qu'on attendrait de voir dans certains aspects. Peut-être pour l'aspect technique, nous on a lu l'édition justement des classiques champions, présentée, publiée, annotée par Michel Perret pour l'édition et la traduction de Michel Perret avec Isabelle Weil. Je crois qu'elles avaient fait les deux cette traduction dans les années 90, publiée aux traductions champions, donc les traductions des classiques du Moyen-Âge de champions, et dans le début des années 2000, ils ont fait une version avec le texte en ancien français. En 2003, dans les classiques du Moyen-Âge, elle a été réimprimée. C'est vraiment la meilleure édition que vous aurez avec le... C'est un peu la seule aussi. C'est un peu la seule avec le texte, puis en face la traduction. C'est pas forcément une édition très difficile, parce qu'en fait, il y a un seul manuscrit qu'on connaisse. Il est à la bibliothèque et aux archives bibliothèque et archives du château de Chantilly, manuscrit 472. Je crois l'ancienne cote, c'était 626. En dehors de celui-ci, on sait que c'est pas un manuscrit unique, parce qu'on a retrouvé des fragments au musée historique du centre de Limbourg, au musée historique régional du centre de Limbourg à Maastricht, en Hollande. Et ils ont été édités par Kees Busby en 2014 dans le journal de la Société Arthurienne Internationale. Dans un article qui s'appelle New Fragments of Le Bel Inconnu, c'est vraiment des petits fragments. Hein. C'est vraiment, on a un coin de page et on devine les vers, et puis on peut voir que effectivement c'était pas la seule copie qui existait. Et puis on a une tradition manuscrite un peu différente, donc ça laisse penser qu'il y avait plus de copies, qu'il y avait plus que ces deux copies. Mais on a que la copie, on a que basiquement comme manuscrit complet celui de Chantilly. Et il a des lacunes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit que la rime ne fonctionne pas, il y a des moments où on a l'impression qu'il manque un vers, parce que le sens n'est pas complètement complet, ou parce que... Donc c'est pas le meilleur manuscrit qu'on a, mais donc l'édition, justement l'édition de Perret et Weil met ça en évidence, donc parfois vous avez des petits... vous avez des trous, des points de suspension entre crochets dans la traduction pour dire, basiquement, probablement qu'il manque un petit truc ici. Parfois il y a même des vers qui ont été laissés blancs dans le manuscrit, donc qui semblent indiquer qu'il y a... Le transcripteur était au courant qu'il y avait des trous sur cet aspect. Peut-être que c'était de la censure. Faut dire aussi que, effectivement, le fait qu'il y a un seul manuscrit, ça se voit effectivement dans l'édition. On le constate, il y a eu une édition de J. Perry Williams pour une thèse de doctorat aux universités de Paris et d'Oxford en 1915. Après, il y a eu des traductions, une version de cette thèse de doctorat qui a été édité de nouveau chez Champion, probablement perfectionné depuis 1929, et c'était l'édition de référence jusqu'en la dernière réimpression, c'est 91, et juste après il y a eu la traduction de Weil et Perret qui ont ensuite fait leur propre édition pour la version de 2003. Donc on se disait une édition de 1929, ouais, pas allemande, ça mérite d'être fait. Faut savoir qu'il est aussi édité en anglais avec une traduction dans un volume qui s'appelle Le Bel Inconnu, Libio Desconus, The Fair Unknown. Donc ça, c'est à la Garland Library of Medieval Literature. Ça, c'est si vous voulez la version anglaise, que vous n'arrivez pas à mettre la main sur la version champion parce que vous vivez sur la lune ou quelque chose comme ça. Mais il faut dire aussi que on sait que la traduction du Bel Inconnu était beaucoup plus importante que simplement ce manuscrit-là, puisqu'il a eu des traductions dans d'autres langues, et notamment en anglais, où il y a une version qui s'appelle Libio Desconus, qui est une romance du XIVe siècle, qui... est une adaptation assez directe du Bel Inconnu de Renaud de Beaujeu, mais avec quand même de substantielles différences qui laissent à penser qu'il y avait probablement un intermédiaire entre les deux, notamment la version anglaise. Alors peut-être que l'intermédiaire, c'est simplement la version anglaise qui a adapté très largement et qu'il n'y a pas de pont, mais il semble vraisemblable qu'il y ait au minimum eu beaucoup d'autres manuscrits entre les deux. Et la version anglaise, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est beaucoup plus directement inspirée de Perceval, notamment. Le début de la version anglaise, c'est quasiment une copie de suite Perceval. Vous allez voir, la version qu'on a est assez allusive à Perceval, mais sans être trop directement clairement une copie. Là, la version anglaise, c'est c'est simple, c'est vraiment un décalqué. Free for all, c'est vraiment décalqué, avec la seule différence que il y a après l'histoire est très simplifiée par rapport au bel inconnu de Renaud de Beaujeu. Il y a tout ce qui fait, je trouve, le sel, l'intérêt de l'histoire chez Renaud de Beaujeu, c'est vraiment la relation amoureuse que le protagoniste va entretenir avec deux femmes différentes, et ça c'est complètement évacué. La temporalité est tout à fait différente dans le Libo Zescunu. On en reparlera quand on y reviendra dans le texte, je pense. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter très brièvement, en une petite minute, globalement l'histoire. Vous avez un jeune homme beau mais inconnu, justement, comme son nom va bientôt l'indiquer, qui arrive à la cour d'Arthur et qui, comme d'habitude, demande à Arthur de lui accorder une faveur, ce qu'Arthur accepte. Mais la faveur qu'il va demander, c'est que quand une jeune femme nommée Ellie vient demander de l'aide, qu'un vaillant chevalier vienne sauver sa maîtresse qui est en détresse, il demande la faveur à Arthur de pouvoir se proposer pour aller l'aider, alors que tout le monde lui dit « Mais non, vous êtes trop jeune, restez avec nous, c'est trop dangereux pour vous, etc. » Il suit Ellie, qui n'a pas vraiment confiance dans ses talents de chevalier et qui doute beaucoup de ses prouesses, mais malgré ça, il l'accompagne. Il réussit à vaincre le gardien Bliobliéris du Gué Périlleux. Il vainc deux géants qui avaient kidnappé une femme pour la violer puis la manger. Il combat trois acolytes du Gué Périlleux, puis un chasseur, dont ils vont voler le chien, d'ailleurs, on vous racontera ça, puis un tournoi de l'épervier qui fait penser à Eric. Plein d'aventures se succèdent jusqu'à ce qu'il arrive à l'île d'Or, où il doit battre de nouveau un gardien qui a tué 143 chevaliers avant lui, mais il peut accéder à cette île où on a une femme qui est douée des arts de la magie, qui est la belle au blanc chemin. Donc vous allez voir que les différentes femmes qui a l'air d'avoir des caractéristiques assez proches de la mère du bel inconnu, tel qu'on la verra après, c'est un roman très freudien. Mais elle veut le garder comme son épouse, c'est-à-dire voilà, vous m'avez libéré, je vais vous épouser. Il y a Ellie qui lui dit bon ben on va se faire la maille pendant la nuit. Ils réussissent à s'enfuir, puis ils vont finalement sauver la maîtresse de Ellie d'un enchantement dont elle était prisonnière. Elle était transformée en une espèce de serpent ou de dragon, mais ils arrivent à la libérer de cela. Mais apparemment, le bel inconnu n'a pas vraiment envie de rester avec elle. De rester avec cette princesse qu'il a libérée, parce qu'il est encore en amouré de la belle au blanc chemin. Les noms des deux femmes, c'est la belle au blanc chemin et la dame aux cheveux d'or. Mmh. Et en fait, ça semble être un calque inversé des deux Iseux, en fait, de Tristan et Iseux. On avait Iseux au blanc chemin et Iseux la blonde. Bah là, c'est un peu l'inverse, en fait. Il est amoureux et perdu de la dame au blanc chemin, alors que la dame blonde, c'est au contraire celle avec qui il va finir et être légitimement marié. Et donc, alors qu'il se repose après avoir libéré la princesse, elle lui dit « Bon, je vais vous épouser », puis il essaie de gagner du temps, donc il l'envoie basiquement à la cour d'Arthur pour dire « Ah, mais si Arthur veut pas, je veux pas ». Il retourne auprès de la belle au blanc chemin, qui d'ailleurs, entre-temps, lui a appris qu'il était le meilleur chevalier du monde après Gauvin, que Gauvin était son père, et qu'il l'avait engendré avec sa mère, la fée Blanchemal. Donc il sort avec une fée au blanc chemin, et on apprend que sa mère s'appelle Blanchemal, donc vous êtes vraiment très proche dans les deux personnages féeriques de ce côté-là. La dame d'ailleurs s'appelle la blonde Esmerée, donc la dame aux cheveux d'or. Et puis c'est très ivanien la fin, parce qu'il va être attiré à la cour d'Arthur par un tournoi. C'est ça, il y a un tournoi qui est organisé par Tristan d'ailleurs et par le roux de Montesclair où il veut y aller. Et puis en fait la dame au blanc chemin se rend compte qu'il va être infidèle, ou en tout cas inconstant. Et puis alors qu'il a décidé en son cœur d'aller au tournoi, le lendemain il se réveille hors du château et il a été complètement abandonné par la dame au blanc chemin. Et du coup, il retourne à la cour d'Arthur et puis il épouse l'autre princesse qu'il avait libérée. Un peu comme un prix de consolation. Enfin, c'est assez bizarre, parce que tout le long du récit, il n'a pas l'air de vouloir finir avec elle ou de se marier avec elle. Et puis à la fin, il le fait quand même. Donc il y a un côté très, je ne sais pas, peut-être pas forcément amer, mais disons assez ironique dans l'espèce de triangle amoureux. Il y a un côté un peu Marie de France aussi, parce qu'il y a des implications un peu que la dame au blanche main, elle est un peu, bah c'est une fée plus ou moins. Elle a un côté vraiment très féerique, un peu étrange. Et il y a ce côté un peu surnaturel. Comme quoi, bah, finalement, il peut pas rester dans l'autre monde, et même si finalement, c'est quand même relativement pratique. Hein, c'est pas que le château disparaît par magie autour de lui. C'est que l'implication, c'est clairement que il s'est endormi, puis du coup, ils l'ont transporté en temps avec son équipement et tout. Vous allez le voir, les particularités du récit, c'est qu'il est quand même très self-aware. Il y a pas mal d'allusions qui semblent être assez pointues. Les personnages ont des interactions qui sont pas forcément toujours très stéréotypées, notamment l'écuyer du jeune homme qui le suit tout au long, qui s'appelle Robert, qui est un personnage fantastique Ouais, c'est le prédécesseur de Sancho, du Sancho de Don Quichotte. Ouais. Un côté comme ça, ça m'a fait beaucoup penser à Galavante, en fait, ouais. Tout le récit. Et puis, même Ellie, la demoiselle qui sert la dame au blanche main, qui a un côté très lunette au début, qui est très sceptique par rapport au bel inconnu. J'aime beaucoup le personnage du nain qui accompagne Ellie. Oui, parce qu'il est. C'est une inversion aussi, on va le voir. C'est une inversion, c'est pas le nain fourbe, méchant, et puis dégoûtant, et puis vicieux, c'est un nain très courtois, bien habillé, très beau. Ouais, il y a ce côté vraiment subversif chez Renaud de Beaujeu. Enfin, voilà, pour le récit dans son ensemble, vous allez le voir, c'est un peu plus tordu, en fait, quand on le lit directement. Comme ça, on se dit, bon, bah voilà, ça se passe comme ça. Mais les implications psychologiques aussi du récit sont assez différentes, et c'est un récit qui est assez allusif. Je me demande, par exemple, si vous allez le voir, mon hypothèse c'est que la dame au blanche main c'est l'université, en fait. Vous allez voir, ça fait un peu sens, hein, ça fait plus de sens que ça en a l'air. Enfin, on vous retrouve très vite après ce petit essai musical, vu que on est presque en été, mais c'est encore le printemps. On va écouter le printemps de Claude Lejeune. On est de retour, on a entendu le printemps, le premier mouvement du poème Le printemps de Claude Lejeune, compositeur à la fin du XVIe siècle, interprété par l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Raisin d'Adre. Et on va vous parler de Le bel inconnu, ou Libos Desconus, ou le fils de Gauvin, en fait. Et son histoire commence, en fait, par quelque chose d'assez qui rappelle assez Perceval, hein, même si c'est pas, comme je vous l'ai dit, aussi directement inspiré. On arrive directement à la cour d'Arthur, après une brève introduction tout de même, où Renaud de Beaujeu, la personne qui est présentée comme l'auteur du poème, nous dédie en fait ce poème à celle qui le tient en son pouvoir, celle qui lui a déjà inspiré une chanson. Effectivement, il y a une chanson de Renaud de Beaujeu qu'on connaît, qui lui est attribuée aussi. Et il va réaliser donc un récit d'après un beau conte d'aventure, donc il dit avoir une source déjà, et il va simplement montrer son savoir-faire à la poésie. Effectivement, il n'est pas mauvais, hein, je trouve pas qu'il est aussi disons, il n'a pas de tour de phrase aussi élégant que Chrétien, mais ça reste relativement agréable, même en ancien français, à lire. Il y a un côté très... les répétitions sont très bien employées, je trouve. Il y a un côté un peu comme ça, qui marche bien. Et il va ouvrir son récit, justement, lui, directement à la cour d'Arthur, à Charlion, donc à Erléone, au bord de la mer, par une belle journée d'août où il avait convoqué sa cour plénière. Ce que je trouve intéressant, parce que pour le coup, on n'est pas, à moins que ce soit censé être l'Assomption, c'est vraiment... Puis l'Assomption, c'est pas la fête la plus médiévale que... Enfin, disons, les fêtes mariales en général, c'est moins directement arthurien en général. Et là, on arrive au beau milieu du mois d'août, ce qui n'est pas tellement la saison arthurienne d'habitude. Mais on arrive avec une assemblée festive, avec de nombreux conteurs, des chanteurs, on a des belles aventures qui sont racontées à la cour, et on voit toute une florée de personnages arthuriens, dont effectivement certains qui sont bien connus, Lothurien, Anguizel, disons Tristan, quelqu'un comme Gauvin, Bédoyer évidemment, Erec, fils de Lac, Lancelot, Guérès, il y a Caradoc, le beau Couard, qui est un personnage qui est plutôt... issu des continuations d'habitude, plutôt que de... On peut aussi mentionner justement Galès Lycos, donc Galès le Chauve, qui est mentionné comme étant le père de Perceval dans une des continuations qu'on a abordées récemment. Oui, effectivement. Il y a plusieurs personnages comme ça qui sont plus ou moins connus dans certains récits, et quelques-uns qui ne sont pas forcément... On peut aussi mentionner le chevalier à la côte mal taillée, donc à la côte motaillée, qui est aussi mentionné dans les continuations. Donc il y a une espèce de... Après, ce n'est pas forcément un facteur de datation, mais disons, ils puisent dans ce réservoir de personnages pour faire des listes arthuriennes comme ça. C'est ce nombre de personnages, en fait, moi, qui m'inciterait à penser vers une datation un peu plus tardive que celle suggérée par les éditrices, parce qu'il y a certains de ces personnages, je ne sais pas comment ils les auraient vraiment... Enfin, je ne suis pas aussi expert, hein, mais moi, je vois le Beaucouard, je me dis quand même, c'est peut-être... Ouais, après, l'influence a pu aller dans l'autre sens aussi. Mais... C'est vrai que c'est aussi possible. En tout cas, il arrive à une cour où cet adolescent va arriver, un homme... C'est marrant parce que le point de vue est très incarné. Hein. La cour pense d'abord voir arriver un messager. Et ils ont un peu de peine à rendre ça dans la traduction. Le texte en vieux français dit « Attentes vos messagier qui vient avant sur son destrier et ses excuses d'azur estoie d'hermine un lion et à voix. Devant le roi en vint tout droit, bien sembla chevalier à droit. » Donc la foule semble penser qu'il est d'abord un messager avant de réaliser qu'il est chevalier. Et ils ont un peu de la peine à traduire ça, effectivement, directement dans la version française. Mais la cour semble vraiment très impressionnée par ce beau jeune homme tout en armes qui va se voir accorder un don depuis le roi et qui va se faire revêtir d'un luxueux manteau par Gauvin. Gauvin qui a d'abord l'habitude de se faire revêtir de beaux manteaux par des jeunes dames dans les châteaux, il arrive là, il joue un peu le rôle inverse. Et on met l'emphase vraiment sur le fait qu'il est un beau jeune homme, sur le fait que Gauvin le fait s'asseoir à côté parce que il est un homme de grande courtoisie et il le fait manger dans sa compagnie, donc il devient littéralement son commensal dès l'ouverture en fait. Et c'est vraiment assez ouais. Dès le début, on va apprendre qu'en fait, on ne connaît pas son nom. Lui-même ne connaît pas son nom et sa mère l'appelle mon cher fils. Et qui connaît pas son père. Il l'a jamais eu. Il dit, il ne sait pas s'il a jamais eu de père en fait. Ouais. Donc dès le début, cette ambiguïté un peu est semée là. Donc la mère l'appelle Bielfeld, donc beau fils, comme c'était le cas de Perceval. Donc là, on a déjà plusieurs ingrédients assez proches de son histoire. Et du coup, Arthur suggère que ses barons l'appellent Libios Desconius, donc le bel inconnu. Et on va arriver sur ces entrefaites vraiment c'est vraiment très expéditif, hein, c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de détails autres que ça. Et il va voir arriver une belle jeune fille qui est très belle. C'est vraiment le crescendo des beautés, hein, dans Le Bel Inconnu. Toutes les filles sont plus belles les unes que les autres. Et la plus belle d'entre toutes, c'est la dame au blanchemain. La plus belle est vêtue, luxueusement vêtue de soie. Son visage a la blancheur des fleurs d'été, son teint la couleur de la rose. Aux yeux clairs, bouche rieuse, main blanche, cheveux blonds d'une beauté incomparable, diadème d'or. Elle chevauche un merveilleux chevalier et elle a surtout un nain avec elle. Comme on vous l'a dit, c'est un nain non sot et vulgaire, mais un nain courtois et bien élevé, bien fait et beau, sans autre défaut que sa petite taille, vêtu d'une robe de drap fourrée de petit gris. Un nain très élégant, aux vêtements coupés à la taille. Quel joli personnage vraiment, ça va être un élément récurrent, le nain. Contrairement à Chrétien, où les nains sont vraiment des personnages un peu fourbes, sournois, là, c'est vraiment le personnage positif par excellence. C'est presque un peu comme s'il avait voulu prendre le cliché de la jeune dame avec son nain, et au lieu de l'inverser par rapport à... pour se démarquer, peut-être. Bon, s'il avait vraiment inversé, la dame serait moche aussi, mais... Effectivement. Non, elle va demander une faveur aussi à Arthur, et elle va lui demander, au nom de la fille du roi Gringras, qui est donc le roi du Pays de Galles, de lui envoyer un chevalier, le meilleur chevalier, pour qu'il l'arrache à ses mots et accomplisse l'épreuve du... Alors, la traduction, c'est le cruel baiser, mais en fait, c'est le fier baissier dans la version française. Donc, quelque chose comme baiser sauvage, mais les traductrices sont là, non, mais ça peut pas être baiser sauvage. Et franchement, le baiser sauvage, ce serait pas justement... Je trouve que ça, quand on sait ce qui se passe vraiment dans cette épreuve, c'est pas... Le cruel baiser, je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est un peu pas la meilleure description. Hein. C'est difficile de traduire la nuance de fier dans ce contexte-là, mais basiquement ce qu'elle dit, c'est que baiser sauvage, ça prête un peu à rire pour un lecteur moderne, et puis on se dit ouh, c'est un peu olé olé, et puis oh. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le sous-entendu, donc elles ont préféré cruel baiser. Mais oui, mais du coup, je trouve qu'il a encore ça met des fausses attentes en fait. Le fier baiser, c'est vraiment un côté un peu qui n'est pas nécessairement néfaste comme cruel baiser là tout à fait. Ouais. Ce qui est un peu, vous allez voir ce que c'est ce cruel baiser en tout cas plus tard. Et elle lui demande un chevalier vraiment très très vaillant. Et en fait, c'est le bel inconnu qui va réclamer le droit d'y aller. Et ce que va l'accepter le roi après quelques négociations. Et il va même lui accorder le fait que il va lui donner une place à la table ronde. Et en fait, Ellie, la demoiselle, est extrêmement opposée à l'idée. Elle trouve qu'il est trop jeune, pas trop vert, pas assez hardi. Elle demande un chevalier beaucoup plus hardi, beaucoup plus compétent. Et elle va vraiment bouder et maudire la table ronde d'avoir envoyé avec lui ce chevalier. Parce qu'Arthur lui dit non, bah voilà, il veut y aller, il ira. Pas de choix, quoi. C'est vraiment assez... elle est vraiment très très sceptique par rapport au bel inconnu, alors qu'on va voir le nain, lui, est beaucoup plus ouvert d'esprit. Le nain dont on nous dit non, même si ça, je sais pas s'il aura beaucoup d'utilité, il s'appelle Tido Galin, donc c'est déjà un signe que le nain est un peu plus positif, il est nommé. Mais donc toute cette équipe va partir, ils sont d'ailleurs accompagnés par un autre personnage qui est Robert, l'écuyer du bel inconnu. Je pense que a priori il l'accompagnait déjà là parce qu'ils se connaissent, mais ouais, c'est un écuyer, je crois que c'est un écuyer à Gauvin, parce qu'on lui dit Gauvin lui baille un escuyer, donc c'est vraiment voilà, il le rejoint à ce moment-là. Donc déjà, je trouve intéressant qu'il s'appelle Robert, qui est pas le nom le plus. C'est un petit côté comme Sam dans Le Seigneur des Anneaux, où c'est le seul mec qui a un nom normal rétrospectivement. Ouais, bah Pipin aussi techniquement. Ouais, bon. Ouais, Pip, c'est peut-être plus grand, mais oui, effectivement, ça fait vraiment le côté les noms ancestraux. Tido Galin, Blanchemal, Guinglin, Gauvin, Guinglin et puis Robert. Robert. Le Robert. Non, il a, c'est vraiment un côté. Je pense que c'est vraiment fait exprès. Hein, c'est vraiment le côté. Voilà, c'est un écuyer. Il a un nom commun. Après, c'est intéressant parce que la perspective des traductrices semble être que, selon elles, il a un côté un peu... Il est plein de bon sens et de vivacité, puis elles vont lui donner un côté le bon paysan. Ouais. Alors que si c'est un écuyer, en principe, il devrait quand même être relativement de bonne famille, quoi. Ouais, ce qui n'est pas impliqué directement par Robert, qui est vraiment un nom... c'est vraiment pas... C'est clairement un nom franc, enfin normand, c'est un nom qui détonne par rapport aux chevaliers, donc effectivement on peut penser qu'il y a l'idée d'en faire un personnage un peu différent, à part. Il y a peut-être aussi le côté où l'auteur met un peu un personnage pour son public, qui n'est pas forcément justement le public de ses romans, et pas forcément la haute noblesse, mais ça peut être justement des gens qui vont plus facilement s'identifier avec l'écuyer ou le... Mais ça se trouve c'est pour faire plaisir à son petit cousin Robert. J'ai envie de dire c'est un peu comme les premiers Captain America, où t'as Captain America, où bah, c'est les soldats qui lisent ça et qui s'identifient avec, et puis t'as Bucky, qui est les enfants qui lisent ça aux États-Unis peuvent s'identifier avec Bucky, donc t'as le côté un peu Robin ou Bucky. T'identifies avec l'acolyte. C'est l'archétype de Robin, en fait. Non, pas des Robin, c'est Robert. Robin, ça vient de Robert. Il y a beaucoup d'archétypes, on disait justement qu'il ressemblait un peu à Sancho, puis là, ce côté un peu écuyer, qui va être un peu plein de non sens, mais aussi très direct, genre « Oh, non, monsieur, nous n'avons pas de temps à perdre, des ennemis vous fondent dessus, vite !» Et puis... Vous ne pouvez pas le supporter, monsieur Libo. Bref, oui, effectivement, il y a le côté un peu... Mais donc, la jeune fille est un peu énervée parce qu'elle dit que si ça la tenait qu'à elle, il ne l'accompagnerait pas, puis elle se serait trouvée un chevalier de meilleure qualité. Mais elle dit, je ne peux pas vous empêcher de me suivre, donc faites ce que vous voulez. Mais comme tu le dis, elle va bouder. Et un élément qui va, juste avant qu'ils partent, un élément qui revient beaucoup chez Robert et chez Tido Galin, le nain, c'est qu'ils vont souvent citer des proverbes. Donc il y a beaucoup de leurs répliques qui vont être, par exemple, le nain qui dit « On ne doit pas me blâmer quand sa lâcheté on ne connaît, tel que l'on méprise à tort, Dieu lui donnera un grand honneur. » Donc il lui dit « Attention, il ne faut pas juger les gens avant qu'ils aient eu l'occasion de faire leurs preuves. » Et très vite, ils vont avoir l'occasion de le faire parce qu'ils vont arriver à un endroit qu'on appelle le Guet Périeux. Donc il y a une espèce de petit abri, une loge où... faite à la mode galloise, on me dit, donc c'est vraiment une cabane de branchage, c'est vraiment l'impression que le pays de Galles, c'est vraiment le... ils mangent de la terre. Non, c'est ça, si vous vous demandez d'où ça venait dans Kaamelott, c'est déjà assez présent, même si c'est plutôt sous-entendu dans les récits arthuriens, c'est que le pays de Galles, c'est un peu le... Bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein. vous demandez des Anglais leur opinion du pays de Galles, puis les blagues sur les, disons, relations avec les animaux, c'est un des trois premiers trucs qui va venir, ouais. Donc c'est pas très surprenant, mais même si c'est un peu triste, mais... En l'occurrence, dans cet abri, il y a un chevalier qui est effectivement bien habillé, qui a un bouclier doré en haut et argenté en bas, qui a une combinaison de couleurs assez intéressante. Qui est interdite normalement. Oui, mais... c'est ça, les héraldistes un peu savants sur Twitter vous diront « Non, c'est pas correct bon, !» C'est un moment où c'est des règles qui ont été élaborées au fil du temps aussi. Mais... Surtout ouais, au 15e, 16e siècle, quand il fallait refaire des chevaliers après avoir pas eu de tournoi pendant des siècles, on se dit « Tiens, il faut qu'on invente des... » En l'occurrence, il a un chevalier qui joue aux échecs avec deux jeunes gens, donc on est vraiment dans cette atmosphère un peu plaisante comme ça, puis on va vite apercevoir qu'en fait pas du tout. Bliobliris, qui est le chevalier qui attend l'aventure en jouant aux échecs, en fait est un homme cruel au cœur rempli de férocité et de perfidie. Personne n'avait jamais vu de chevalier plus redoutable, puis quand il voit arriver le petit équipage, il demande à ces jeunes hommes, qui sont ses écuyers en quelque sorte, de l'armée et de se préparer. Et on va nous décrire donc son armement assez en détail, et il va mettre au défi... Il va mettre au défi le bel inconnu de le battre pour pouvoir passer de l'autre côté, en fait. Donc le guet périlleux, là, c'est vraiment très littéral, hein. C'est un chevalier, c'est pas un pont de l'épée ou c'est pas un guet sournois, c'est vraiment... Je crois qu'on va pas tant explorer les motivations de Bliobliris, alors que souvent c'est « je fais ça parce que madame m'a demandé de le faire », ce qui était souvent le cas dans le personnage en prose et compagnie. Là, en l'occurrence, c'est plutôt, bah, comme on l'a dit, il est méchant et puis... Le combat se déroule suivant les normes assez standards de chez Chrétien, c'est-à-dire il attaque l'inconnu, lui arrache le bouclier du cou, mais sa lance se brise en éclats. Ils finissent par vider les estriers, et puis ils descendent de cheval et se battre à terre avec leur épée bouclier. Et puis bien sûr, on voit du feu voler et des étincelles jaillir des hauts à mesure qu'ils se frappent. Et puis ils se livrent une rude bataille, mais bien sûr, le sang ne cesse de couler de la blessure que Bliobliris a reçue. Et il finit par le tomber à genoux et par abandonner. Ce que j'aime beaucoup dans la description du combat, c'est que juste avant qu'il passe à l'action, le bien inconnu dit ah, il faut que je prête secours à une dame, c'est pour une requête, laissez-moi passer. Puis lui dit non, ma coutume, c'est de battre les gens, de blesser, abattre et tuer les gens ici. C'est ce que font les gens de ma famille, puis j'ai toujours fait ça depuis que j'ai commencé il y a 7 ans à la suite, de père en fils. Et la réponse du bien inconnu, c'est Tintin, quoi. C'est là une coutume de pillard de route. Dans la traduction, j'ai vraiment l'impression voir Tintin avec Printemps Rastapopoulos. Enfin, en français, c'est moins le cas. Il dit juste, c'est robberie. Tant qu'on pourrait garer ma vie, que je n'y plus merci trouver. Enfin, il dit, je vais défendre ma vie de toutes tes forces. Mais la version de la traduction, c'est vraiment, c'est là une coutume de pirate de route, capitaine. Vraiment, il a vraiment un côté Tintin par moment. C'est le bel inconnu, je trouve. Et effectivement, il va être battu et le nain va regarder la demoiselle puis va dire, voyez, vous aviez tort. Tel que l'on doit estimer, assurément, n'est à blâmer. En lui disant une petite réplique avec un proverbe comme ça. Et jeune fille va devoir reconnaître que... il s'est bien combattu ce coup-ci, mais elle va quand même dire... À la fin, il sera quand même tué, vous allez voir. Et effectivement, ils vont continuer en chemin, après avoir fait promettre à Bliobliris qu'il va devoir aller se rendre. Mais le truc, c'est que directement après, il va être récupéré par ses écuyers, qui vont le panser. Et ils vont en fait, il va attendre ses trois compagnons qui sont d'habitude, qui logent avec lui, mais qui étaient en aventure, qui étaient partis en quête d'aventure là, qui vont venir. Et en fait, quand ils arrivent à la nuit tombée, il va leur dire non, vous allez me venger et vous allez aller pourchasser ce chevalier qui m'a battu, vous allez le tuer. Donc c'est ça que j'ai vraiment trouvé assez rigolo parce que je voyais la scène arriver, je me dis bon, il va encore le faire envoyer la cour d'Arthur, puis il va dire ouais, je vais faire pénitence, puis je vais devenir chevalier de table. En fait, non, c'est un vrai sauvage, il va juste envoyer des types aller bolosser le bel inconnu comme un méchant. Alors à la fin, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça. Mais il va décrire du coup. Ces trois amis qui sont trois chevaliers qui s'appellent Hélens le Blanc, seigneur de Cé, le brave chevalier de Grès et Guillaume de Salbrant. Donc les noms, c'est pas des noms attestés ailleurs, hein, c'est vraiment des personnages ad hoc, mais ils ont tous leur nom et ils vont tous aller poursuivre le bel inconnu. Puis ça crée un peu de tension pour la suite parce qu'on va pas immédiatement voir le combat de ces trois individus, mais on va d'abord rejoindre le bel inconnu, Ellie, Téti de Galin et puis Robert qui font étape pour la nuit puis qui veulent dormir. Quand d'un seul coup, alors qu'il fait nuit et que la lune est déjà haut dans le ciel, l'inconnu entend un cri, entend des cris, une voix bien douce qui criait, on aurait dit celle d'une personne en danger. Quel cri, quel pleur ne faisait-elle pas, comme peut le faire une créature plongée dans la plus grande peine? Elle invoquait Dieu, et donc clairement appel à l'aide, etc. L'inconnu se demande à la dame, mais est-ce que comme moi vous entendez ces cris? Puis elle dit, ça doit être un fantôme. c'est un fantôme à mon avis, laissez-le crier, ça n'a pas d'importance, je ne me soucie pas de ces cris, dormez donc, ne bougez pas. Puis il dit, mais c'est une voix qui implore Dieu, je ne peux pas la laisser, on dirait qu'elle a besoin d'aide, je dois aller à son secours, si elle a besoin de mon assistance, je verrai que je peux l'aider. Alors elle lui dit, vous n'irez pas, puis il dit, non mais bon, je fais ce que je veux, et il y va. Il arrive, après s'être signé, vers la clairière dont viennent les cris, et il voit un feu gigantesque que lui montre Robert, et il comprend tout de suite pourquoi elle crie. Il y avait devant le feu deux terribles géants, d'effrayants monstres sans foi ni loi. L'un d'eux s'était emparé d'une jeune fille, la plus belle que l'on puisse imaginer, si elle n'avait pas eu aussi peur, mais elle montrait un profond désespoir, se lamentait, pleurait, hurlait comme quelqu'un en grand danger. Le géant, en effet, la maintenait de toutes ses forces, elle voulait la violer, mais elle aurait préféré mourir plutôt que d'en venir là. Assis de l'autre côté du feu, l'autre géant faisait cuire un rôti et préparait de la sauce au poivre. Ils attendaient pour manger que le premier géant eût assouvi ses désirs sur la jeune fille. Donc très littéralement, un géant qui veut la violer et puis l'autre qui veut la manger ensuite. Il manque d'ailleurs apparemment un petit verre dans la suite du texte à ce moment-là. Le bel inconnu, bien sûr, va défendre la jeune fille et puis affronter ces deux géants. Il en frappe un près de la poitrine, qui tombe ensuite mort dans les flammes du brasier. L'autre géant a une massue suspendue à son cou et il se rue sur l'inconnu, veut le frapper, il esquive et puis finalement il réussit à le trancher, bah, comme d'habitude, lui trancher la tête jusqu'aux dents et il s'effondre mort. Après l'avoir blessé justement au côté, le narrateur, cette fois-ci, c'est le narrateur qui va nous égrener quelques proverbes, genre celui que Dieu veut protéger, rien ne le peut ébranler, ou bien fuite vaut mieux que saute à tente lorsque vaine est toute défense. Donc le combat est décrit avec pas mal de détails, notamment le géant frappe avec sa massue avec un arbre d'une telle force que l'arbre s'effondre entièrement et s'écroule à terre. Et puis c'est comme ça qu'il perd d'ailleurs sa massue. Il va les battre très rapidement en fait. Après, une fois qu'il a commencé à le combat, on va vite les voir mourir. Et après le combat, ils vont découvrir qu'en fait la jeune fille en question s'appelle Clary. Et qu'elle est la sœur de sa grand-mère, donc elle va les remercier de les avoir sauvés. Et en fait, Ellie lui avait dit auparavant que c'était des géants qui avaient dévasté toute la région, et ils avaient effectivement volé plein de nourriture en fait dans la région, et dans une caverne, dans la caverne des géants. Donc ça me rappelle un peu la caverne des trolls dans Bilbo le Hobbit. Cette scène, elle fait très Bilbo, donc les géants qui sont au coin du feu et qui se préparent à manger quelqu'un en faisant de la sauce au poivre, et puis on les bat, puis on finit par trouver leur cache. Oui, ils ont... Bon là, c'est pas des armes, hein. C'est 30 pains, des nappes blanches, des coupes, des jambons salés, des volailles bien grasses, préparées et rôties à l'avance, du bon vin. Et du coup, le nain et Robert qui tombent sur ça vont aller servir les deux jeunes filles et le bel inconnu, parce que on nous avait dit auparavant que le bel inconnu n'avait rien pu manger parce qu'ils n'avaient pas de nourriture avec eux. Ce qui est un peu curieux, quoi. Ils se baladent sans prendre de nourriture à travers la campagne. Je pense qu'ils devaient compter sur une hospitalité un peu... du réseau de Vavasseurs, évidemment très serré, qui est entretenu par Arthur. Je crois que ça souligne aussi un peu la cruauté des géants, c'est-à-dire qu'ils veulent manger cette fille, mais ils ont déjà des stocks de nourriture assez énormes, donc ils veulent la manger même pas par faim ou par manque de nourriture, mais vraiment parce qu'ils sont affreusement cruels. Oui, et du coup, ça va être leur bénéfice pour notre équipage, puisqu'ils vont pouvoir... ils vont pouvoir nourrir tout le monde. Alors un peu quand même, un bout qui me surprend, c'est qu'à un moment, ils vont aller soigner les chevaux, ils vont leur donner le blé qu'avaient amassé les géants dévastant le pays. Ce que je trouve un peu mesquin presque, parce qu'ils ont tué les géants qui ont volé la populace, mais au lieu de redonner la nourriture et tout ça, ils se gorgent et ils font bonbons. Et un truc qui me paraît un peu bizarre, à un moment on dit que les chevaux justement mangent le blé, puis Robert va quand même aller faucher de l'herbe en plus pour les chevaux parce qu'il manque d'herbe. Donc je pense qu'il est conscient qu'il faut qu'ils aient un régime alimentaire équilibré. Puisqu'il va aller faucher de l'herbe, et c'est là qu'il voit en fait arriver les trois compagnons de Bliobléris en fait, qui vont vouloir attaquer l'équipage du bel inconnu. Et Robert va courir et préparer son maître pour le combat, et il va vraiment être très très pressant auprès du bel inconnu. Il va être très pas une seconde à perdre, arrête de bavarder avec ces deux jeunes filles. Apparemment le bel inconnu veut aller avertir les deux jeunes filles de ce qui va se passer, genre des gens viennent nous combattre, et puis Robert lui dit trop démoré pour l'amour de Dieu, car vous hâtez, les démorés forment me griffe, donc vous perdez trop de temps, quand on perd du temps ça me fait de la peine, dépêchez-vous. Et Bon, on saute, disons le. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, quand même, au début, c'est qu'avant que le combat commence, il souligne à quel point ils sont en train de tourner autour de lui comme dans un jeu vidéo. En fait, ils vont l'attaquer un par un. Puis il dit à l'époque, on respectait les règles du combat, pas comme aujourd'hui, on est à 25 contre 1. Oui, effectivement. Donc, du coup, littéralement, c'est ça. Maintenant, ça a changé. Auparavant, tout le monde était fidélité, noblesse, pitié, valeur, courtoisie. Même ces chevaliers horribles qui viennent faire une embuscade sont combattus. Donc, alors, il va tuer. Il va tuer d'abord Guillaume avant d'affronter le seigneur de Grès. Il va avoir tué aussi le seigneur de Grès. Puis à la fin, il va réussir à le seigneur de Sey, qui est le dernier vivant, va quand même demander merci après avoir été vaincu à l'arrivée du jour. Parce que le combat a quand même été assez long. Il faut dire aussi que le bel inconnu, c'est son troisième combat de la journée. Et en plus, ça, c'est contre trois adversaires. Donc à la fin, il parvient quand même à faire durer le combat, mais il va devoir quand même abandonner le seigneur de Sey. Et il va donc du coup aller l'envoyer à la cour d'Arthur se constituer prisonnier. Et du coup, le combat est terminé et il lui signale que c'est Bliobléris qui les a envoyés. Et ils vont aller repartir. Alors déjà, il va confier Clary au seigneur de Sey justement pour qu'il la ramène chez son père. Donc un peu, ouais, ça de nouveau, cette coutume-là. On a sauvé une jeune fille, bon, allons la confier à ce chevalier félon qui s'est attaqué. On a un chevalier félon, bah, après. Et ils vont envoyer du coup Clary avec lui et vont aller parcourir leur aventure vers la cité en ruine dont, bon, c'est un peu cette côté Targaryen, hein, dont la reine a envoyé Lee pour la secourir en fait. Je mentionnerai aussi que bah, justement le combat dure jusqu'au lever du jour, donc le bel inconnu a pas beaucoup dormi du coup, entre les géants qui le réveillent au milieu de la nuit, puis ceux-là qui viennent faire trois combats successifs. Aussi mentionner qu'à la base le bel inconnu n'est pas équipé, c'est pour ça justement que Robert le presse, parce qu'il a pas son armure sur lui. Juste après le combat contre les géants, il lui avait enlevé sa côte de maille et compagnie, et du coup c'est pour ça qu'il le presse. Et puis finalement c'est trop tard, ils sont entourés par ces trois, et puis il y a Ellie qui intercède justement et qui dit laissez-lui au moins le temps de mettre son armure, et puis ils disent oui effectivement, de toute façon on va le battre, on est à 3 contre 1, alors laissons-lui le temps de mettre son armure. Et donc c'est des bandits qui sont quand même relativement honorables en termes de... Oui, effectivement. Alors, avec du combat. Et c'est là qu'on a une interruption dans le récit d'ailleurs, parce qu'on a de nouveau un passage où Renaud de Beaujeu nous chante ses malheurs amoureux. Il y en a régulièrement dans le récit. Là, il se plaint que bah, voilà, ça serait malheureux en fait que les dames risquent à perdre leur mari et l'affection de leurs amis juste pour l'amour d'un homme, et qu'ils sont condamnés à être amoureux de dames qui ne peuvent pas être leurs amantes. Enfin, il y a vraiment un côté très sad boy quand tu lis ça, j'ai l'impression. Là, c'est en l'occurrence une locution directement au lecteur où il parle du proverbe qui est utilisé par certains, péché naît de femme trahir, autrement dit ce n'est pas un péché de trahir une femme, et il dit comme il ment cela, parce que trahir une femme c'est grave, autrement dit il dit... Bah, c'est grave aussi parce que dans une relation amoureuse, normalement, si vous êtes dans l'amour courtois, la femme dont vous êtes amoureux, elle a un mari normalement. C'est ça, il dit... Elle prend des risques pour vous, puis vous la trahissez. C'est ça, il dit que Dieu veut nous en garder, pour vous elle perdrait tous ses amis, l'affection de son mari, et quand vous auriez obtenu d'elle la satisfaction de votre désir, vous la trahiriez. Malheur à ceux qui agissent toujours ainsi. Donc il y a l'idée justement que la relation courtoise est quand même asymétrique et qu'il faut une part de loyauté de la part des amants. Il dit je préfère me conduire maladroitement et ne pas être déloyal envers mon amante. D'ailleurs, il dit après, oui, bon, je l'appelle mon amante, mais en fait, elle me méprise, je ne suis rien pour elle. C'est vraiment trop dire que ça. Enfin, c'est vraiment ce côté un peu, tragique un peu presque dans ce qui est décrit de cette relation amoureuse, qui est tout à fait contraire à ce qu'on va avoir du côté du bel inconnu dans toutes les femmes tombant instantanément amoureuses. À part peut-être Ellie, qui est un peu sceptique. Il va continuer, donc il va voir arriver un grand cerf de 16 andouillés poursuivi par des chiens. Et il y a un de ces chiens, un petit chien, un petit braque, avec des oreilles noires et mais lui-même blanc, très très joli, très mignon. Et en fait, il a une épine dans la patte, et la jeune fille Ellie va le saisir, lui enlever l'épine, puis il va le kidnapper en fait. Elle va le mettre dans un repli de son manteau, et parce qu'elle veut le prendre pour le donner à sa maîtresse. Et du coup, il y a un chevalier qui arrive, même s'il est habillé en chasseur, c'est clairement un chevalier, et il va lui demander de lui rendre son chien, ce qui est finalement assez légitime. Et elle va bouder et lui dire non, poursuivez son chien, poursuivez ce cerf, après tout, vous êtes en train de le perdre, laissez-moi le chien. Et il va se battre du coup avec le bel inconnu, mais il va donc du coup devoir les laisser parce qu'il est habillé en chasseur, il va à son château pour chercher son équipement, et il va du coup retourner poursuivre le bel inconnu, Ellie et le nain. Ils vont de nouveau se combattre, et il va être vaincu de nouveau, et il va de nouveau aller se constituer prisonnier à la cour d'Arthur, et on va apprendre qu'il s'appelle l'orgueilleux de la lande en fait. Donc c'est une allusion effectivement de nouveau à Erek et à Perceval, ou surtout à Perceval, où on le voit dedans, en fait. Mais donc, c'est un épisode où elle y vole un chien. Il y a l'idée qu'il a une épine dans la patte et qu'elle l'aide à enlever cette épine, alors que son maître, apparemment, n'avait pas grand-chose à fiche. Mais au-delà de ça, ouais, elle kidnappe un chien, et puis elle veut pas le rendre. Et puis le bel inconnu lui dit, justement, s'il vous plaît, rendez justement, le chasseur lui dit, elle a pris ce chien que parce qu'elle est, disons, assurée par votre escorte. Donc, s'il vous plaît, demandez-lui de me rendre mon chien. Il essaye, mais elle ne veut pas. Et donc, elle le garde. Et en se faisant, ils arrivent vers une ville où ils trouvent une très belle jeune fille qui en pleure parce que son ami a été tué. Et en fait, elle leur apprend que dans cette ville, il y a un épervier qui est attaché sur un poteau et les chevaliers peuvent venir briguer l'épervier pour leur dame si leur dame est la plus jolie. Et le seigneur du lieu arrive avec sa dame qui est en fait très laide et il dit non, c'est elle la plus belle, puis il les tue. Et en fait, évidemment, alors vous imaginez, le bel inconnu va battre ce chevalier. Et va donner l'épervier à cette Margerie. Et effectivement, ils vont battre le seigneur du lieu. Et ce que je trouve rigolo dans cet épisode-là, en fait, c'est pas tellement l'épisode en lui-même qui a assez inspiré d'Erek. C'est vraiment et en fait, ce chevalier d'ailleurs, c'est Giflet. C'est Giflet, fils de dos. Ouais. Le futur Giflet de la cour d'Arthur. Ce que je trouve très très drôle dans cet épisode, c'est les réactions du public, parce que c'est un des rares épisodes où on voit vraiment beaucoup la foule, en fait. Mm-hmm. Enfin, j'entends dans tout le récit, on voit la foule interagir souvent avec les gens, ils font des commentaires. Vous allez voir, il y a un autre épisode après assez similaire après. Mais là, les chevaliers sont... On a vraiment la foule un peu à la Pratchett qui semble chercher le divertissement facile et qui va donc suivre parce qu'ils disent, ah, il va y avoir un beau combat, il va se faire ramasser. Mais c'est pire que ça, c'est que justement le bel inconnu ne va dans la ville que parce qu'on lui assure en fait que les habitants de la place forte ont juré sur le corps de Saint-Marcel, dont les saintes reliques sont en cette ville, qu'ils seront loyaux envers celui qui se battra avec leur seigneur s'il tue leur maître, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il n'ait ni doute, ni crainte, ni peur, personne ne lui fera le moindre mal. Donc comme tu disais, il y a cette espèce de rationalisation, c'est-à-dire on se dit, bah, s'il y a une coutume horrible dans cette ville, si je tue le seigneur, qu'est-ce qui me garantit qu'il n'y a pas toute la populace qui va venir la commune qui va venir me trucider, finalement, ce qui est un peu ce qui se passe typiquement contre il y a cette peur peut-être qu'on voit chez Gauvin quand il est en Escavalon, puis qu'il y a toute la commune qui se retourne contre lui. Bah là on lui dit non, si tu réussis cette épreuve qui est normalement juste la loyauté des chevaliers, etc., bah, le reste de la ville ne va pas te faire de mal, donc tu peux y aller sans risque. De ce côté un peu méta, où on essaie d'expliquer un peu, on essaie de fonder les éléments dans une certaine logique. D'ailleurs, il y a quand même des éléments arthuriens qu'on n'échappe pas, tout le monde se connaît. La jeune fille en question, Margerie, donc pour qui l'épervier a été gagné, dire qu'elle vient d'Écosse, elle est la fille... d'un roi d'Écosse, son frère est le roi Agolance d'Écosse. Elle va emporter l'épervier en Écosse. Giflet lui donne un chevalier pour l'accompagner. Puis en fait, Ellie va réaliser qu'elle la connaît, que c'est sa cousine en fait. Ouais. C'est une proche parente. Et du coup, elle va lui donner le petit chien en plus comme cadeau comme cadeau pour emporter avec l'épervier, tous deux gagnés avec l'épervier. Donc je trouve ça assez drôle, ce côté un peu ah, finalement on est cousines, mais on n'avait pas réalisé jusqu'à ce que j'apprenne d'où tu venais. Mais c'est là que vraiment on va entrer dans le passage un peu disons plus après toute cette série d'épisodes un peu très finalement classique. Mmh. On va arriver à l'épisode qui fait un peu le sel du récit, puisqu'on arrive au château de l'île d'Or. Mmh. Le bel inconnu, après avoir voyagé toute la journée, voit une magnifique place forte avec entourée par la mer, en fait, et qu'il y a des murailles en marbre blanc, 100 tours vermeilles en marbre rouge, 100 comtes qui résident dans ces tours et qui les gardent. Au sommet de la tour principale, au sommet de la tour centrale, il y a une escarboucle, donc une pierre précieuse, genre un genre de grenin rouge, qui éclaire toute la ville. Mmh. Donc vraiment un peu le côté de Sauron aussi là-dedans. Et il y a 20 tours bleues qui entourent ce palais merveilleux. Et c'est vraiment un endroit merveilleux. Il y a des riches marchands qui viennent depuis la mer pour leur donner leurs marchandises. La ville perçoit des droits importants sur le commerce. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement prospère. Et dans ce château de cette ville, qui s'appelle le château de l'île d'Or, se trouve la plus belle jeune fille qu'on ait jamais vue, qui avait appris les 7 arts libéraux. Donc c'est le trivium et le quadrivium, qui sont donc les... Bah, si vous avez fait un diplôme universitaire, c'est littéralement l'ancêtre des diplômes universitaires. Le trivium, c'est ce que vous étudiez pendant ce qu'on appelait le baccalauréat, qui est devenu soit... le premier diplôme aujourd'hui de l'école de l'université, le bachelor. Le quadrivium, c'est les arts qu'on apprenait après en master, littéralement, quoi, qui donnait le droit à une licentia docti, donc qui permettait d'enseigner, et qui était les sept arts libéraux, c'était vraiment la base de l'enseignement universitaire. Et elle, cette jeune fille très savante, ça se confond un peu avec la magie, en fait, chez elle. Parce qu'en plus des sept arts libéraux, elle sait l'art des enchantements, les étoiles, connaît la magie blanche et la magie noire. Elle est maîtresse de la ville, elle est gracieuse et belle, l'unique héritière de son père, et elle n'est pas mariée. C'est la belle en blanc chemin, je l'affirme avec certitude, et grande est sa beauté. Donc il y a vraiment ce côté un peu à la fois surnaturel, et à la fois on la fonde dans vraiment un enseignement qui est à la fois celui de la magie et celui de la rhétorique, de la grammaire, de la logique, de l'astronomie, de la musique, vraiment les arts qu'on apprend à l'université, en fait. Elle a un côté peut-être un peu ambivalent, parce qu'on dit justement que, et bien et mal, tout ça savait, donc elle connaît la magie, sous-entendu la magie bénéfique, la magie maléfique, et puis aussi, on mentionne que le château merveilleux, bon, déjà, sa description nous laisse penser avec l'escarboucle, etc., mais que justement, celui qui l'a construit savait encanter, il savait enchanter, créer des sortilèges. Oui, il y a ce côté un peu vraiment, on arrive dans presque un autre monde, là, déjà, hein. On est vraiment dans une espèce d'esprit un peu plus surnaturel que dans le reste du récit, mais il y a quand même un côté inquiétant qui arrive auprès de ce château, puisque juste à côté, en fait, il y a une tente au bout de la chaussée qui mène au château, et à côté de cette tente, il y a une palissade avec des pieux, et sur chaque pieu est plantée une tête en armure, et chaque tête est couverte d'un rhôme, et en fait, ce sont des têtes de chevaliers. Et dans la tente, il y a un chevalier qui voit l'équipe arriver et qui va se mettre à s'armer pour combattre notre bel inconnu. Et en fait, ce chevalier, on l'apprend, c'est le prétendant de la suzeraine de la ville. Il est armé et il y a une espèce de jeu ou enfin d'épreuve pour lui, ce prétendant. Ça fait 5 ans qu'il est là et elle lui avait promis qu'elle le prendrait pour époux s'il défendrait la chaussée de tous les gens qui essaient de passer pendant 7 ans. Il a déjà tué 143 têtes, tous de fils de comtes et de rois. Et donc lui, elle s'était promise à lui s'il parvenait à tenir la chaussée pendant 2 ans de plus encore. Et en fait, la coutume était que quand l'un de ses prétendants mourait, le suivant, celui qui l'aurait battu, aurait le droit de tenir le pont pendant ce temps. Alors, je sais pas quel âge il est censé avoir, du coup, parce que s'il a déjà fait 5 ans comme ça, en battant tout le monde, je sais pas s'il y a eu beaucoup de prédécesseurs. Et alors, évidemment, vous imaginez bien que ça s'annonce mal pour le prétendant en question, vu qu'il y a notre héros qui arrive. Il faut dire aussi qu'elle, elle serait pas opposée à l'idée. Le récit nous dit même qu'elle n'aime pas le prétendant. Elle préférait mourir plutôt que de s'unir à lui, parce que c'est un homme cruel. Il n'avait plus, le récit est très très explicite, il n'avait plus que 2 ans de garde à faire, mais il était foncièrement mauvais, un homme malfaisant, pervers et brutal, un scélérat sans foi ni loi. Elle le détestait si fort, elle lui voulait tant de mal que même s'il avait achevé son terme, elle ne l'aurait jamais accepté. Vraiment, il est détesté de tout le monde, en fait, et on semble nouveau rationaliser l'idée que vous tuez quelqu'un, mais en fait les gens qui seraient censés être un peu déçus que vous l'ayez tué, en fait ils seront très contents. Ouais. Ce côté un peu justificatif, a priori, en fait, plutôt que d'expliquer après. Il y a deux dimensions qu'on peut noter, c'est que les 143 têtes, on est à une tête près de 144 qui fait 12 x 12, donc il y a probablement une idée de complétude, même si on nous dit qu'il doit faire encore deux ans, il y a quand même une idée, on est proche d'un nombre assez rond comme ça, ou assez carré littéralement. Et aussi, un truc qui est marrant, c'est qu'on nous décrit les armes du chevalier qui sont de sinople, qui plus tard voudra dire vert, là veut probablement dire rouge, ornées de deux blanches mains. Et donc ça c'est intéressant que même si elle ne l'aime pas du tout, et puis il a aussi deux gants sur son home, donc son emblème c'est littéralement des blanches mains, alors qu'il va essayer d'épouser la dame aux blanches mains, et je sais pas, il y a peut-être quelque chose de... Il y a peut-être un lien ici, même si c'est pas très... C'est pas très explicite, oui, c'est assez intéressant quand même, il y a le... Alors ils vont se battre évidemment en duel, et la ville tout le monde va sortir de la ville pour aller regarder leur combat. Et en fait, comme les dames de la ville, toute la ville le déteste aussi, donc c'est des bonnes nouvelles pour notre ami le bel inconnu. Ils vont se battre vraiment pendant sans relâche, de nouveau, hein, c'est vraiment le système classique. Et en fait, il va réussir à couper les lacets qui retiennent le home du chevalier en tranchant les lacets de cuir. Le home va tomber, et du coup, le bel inconnu va immédiatement frapper et fendre le crâne, passer du cerveau jusqu'aux dents, donc vraiment, quoi, c'est brutal. Et tout le monde pousse des hurlements de joie. Depuis la création d'Adam, on n'avait jamais vu pareil spectacle. Tous manifestaient leur joie. Et donc, on nous apprend que le chevalier qui a été tué s'appelle Maugier le Gris, et tout le monde fait immédiatement allégeance au, de nouveau hein, comme dans la version précédente avec chez Gifley, tout le monde est immédiatement très très content que Level a connu. Il y a ce côté un peu, je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit volontaire, mais il y a ce côté un peu cynique là-dedans que finalement les foules préfèrent un bon bain de sang et vont toujours être du côté du vainqueur. Je sais pas si c'est intentionnel ou non, mais c'est un peu l'image qui est donnée là en tout cas. Et évidemment là, on le mène en procession jusqu'à la grande salle du palais pour qu'il rencontre la dame, et on va nous la décrire en fait, et elle est effectivement décrite comme la plus belle femme possible en fait. C'est vraiment, le récit nous a habitués à nous dire que toutes les femmes qu'on rencontre étaient magnifiquement belles, mais là c'est vraiment littéralement on peut pas faire mieux. Le récit nous dit qu'elle a que la nature avait créé cette femme avec tant d'art, l'avait parée avec tant de grâce, qu'aucune femme au monde n'avait plus beau front ni plus beau visage. Sa peau était plus blanche que le lys, son visage délicatement teinté de rose, son teint d'un grand éclat, avec des yeux clairs, une bouche rieuse, un corps bien fait et séduisant, des lèvres d'un joli rouge, des dents petites et blanches, une bouche faite pour embrasser, des bras faits pour enlacer, des mains et une gorge blanche comme fleur de lys, assez répétitif hein, quand même par moment, un corps gracieux, des cheveux blonds, c'était bien la plus belle femme du monde, la plus belle sous les cieux. J'aime bien l'aspect un peu répétitif parce qu'on a presque l'impression que c'est le bel inconnu qui la dévisage et qui la regarde du haut en bas en boucle en fait, puis qui retombe sur les mêmes détails. Et elle est de nouveau, évidemment, elle est très belle, mais elle est aussi habillée d'une façon extrêmement luxueuse. Une fourrure d'hermine travaillée en damier. Elle a rejeté en arrière ses cheveux qui sont retournés par des fils d'or. Sa particularité, c'est qu'elle ne porte pas de voile, en fait. Elle est décrite comme ne portant pas de voile. Elle est couronnée de roses. Elle a un fermail autour du col de son manteau. Et elle arrive, elle se jette au cou du bel inconnu. Elle est tellement heureuse. Elle lui donne ses terres immédiatement et elle décide immédiatement de mettre fin à la coutume, ce qui est quand même un peu... Bon, il est méchant, mais c'est un peu vraiment bien pratique. Hein. Il ne va pas devoir rester pendant 7 ans à garder le pont. Lui, elle lui dit immédiatement qu'elle va pouvoir être à lui, vraiment. Et on nous écrit un peu son monologue interne et puis on nous dit qu'elle imagine déjà 1000 sortilèges pour le retenir auprès de lui parce qu'elle est complètement tombée amoureuse. Ça m'a rappelé un peu... peut-être un peu Geoffrey, peu aussi, ouais. Ce côté... La femme fée qui essaie de retenir un chevalier, puis bah, justement, elle... Elle va aussi devoir... comme dans Geoffrey, d'ailleurs, elle dit qu'elle va en parler à tous les grands seigneurs de son royaume pour obtenir leur approbation, parce qu'il faut vraiment qu'elle veut vraiment, dans les 9 jours, le prendre pour époux, en fait. Et donc, elle vient se serrer contre lui pendant la nuit, ils sont les deux l'un contre l'autre, presque nus, séparés uniquement par une chemise, et alors qu'il essaye de l'embrasser, elle... sortir, elle dit non, c'est présomptueux, quelle indécence de vouloir m'embrasser, mais dès que vous m'aurez épousé, je serai à vous. Et il faut dire qu'auparavant, Ellie, vous vous doutez bien qu'Ellie, qui était venue chercher de l'aide pour sa maîtresse, voit ça d'un très mauvais oeil, puis avant quand même qu'il aille au lit avec la dame, elle est venue le voir de côté, puis dit bon, vous voyez bien qu'elle va vous prendre pour époux, elle va vous retenir ici, il faut qu'on parte le plus vite possible. Bien, il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Alors, il est vraiment un peu, tu sens vraiment qu'il est un peu là, et donc du coup elle va vraiment elle est sûre qu'ils vont leur tenir prisonnier si jamais il essaie de s'échapper, donc elle lui suggère que le lendemain il prépare le cheval avant qu'il fasse jour et qu'il parte très très tôt, elle établit un petit stratagème. Il va devoir prétendre se rendre à l'église en fait pour pouvoir sortir du palais, ce qui est assez logique finalement parce que les chevaliers effectivement on le sait ont l'habitude de se rendre très tôt pour entendre la messe, donc ils vont vraiment très vite devoir agir s'il veut pas rester ici. Effectivement, quand il arrive, elle se retire, mais elle a vraiment ce côté un peu... elle veut se faire désirer, quoi. Donc elle quitte la chambre, mais immédiatement après, il revient et on nous dit qu'il croit que son désir va trouver satisfaction, en fait. Elle n'a pas de nouveau de voile, un manteau de soie verte doublé d'hermine, et elle a plus sur elle que sa chemise, donc elle est vraiment en train de le séduire, quoi, plus ou moins dans l'équivalent médiéval de lingerie, en fait. Elle est en sous-vêtements, quoi, plutôt littéralement. Littéralement. Puis, bah, justement, une fois qu'elle le laisse dans le lit, il se sent un peu moqué, il se dit oh, on se moque un peu de moi, mais il est mordu, clairement. Donc l'amour le tourmente, et puis il n'arrête pas de rêver de la dame, il croit la tenir dans ses bras, il rêve d'elle. Jusqu'à ce que le lendemain, bah, il se réveille et puis il parte pour la cité en ruine. C'est intéressant parce qu'on ne nous explore vraiment pas beaucoup. On nous dit, pendant son sommeil, il est tourmenté, si fatigué, son cœur bat à en mourir, il rêve qu'il la tient dans ses bras. Et en fait, c'est un peu comme si, réveillé, c'est automatique, il dit « bon, il faut que je me barre ». Donc c'est un peu surprenant en fait, qu'ils finissent par partir pour de bon. Mais ils vont très vite partir et se mettre en direction la cité en ruine, alors que Ellie chante et laisse éclater sa joie parce qu'ils arrivent au bout du but, et puis on sent qu'Ellie est un peu soulagée d'être parvenue à le retenir en, en arrière. Il faut préciser peut-être dans la version anglaise, il reste pendant un an auprès de la dame au blanc chemin. Vous allez voir, ça se finit pas tout à fait pareil, mais la version anglaise, il passe un an là. Donc là, dans la version anglaise, Ellie est un peu moins de succès, disons, pour le faire venir. Mais ils vont gentiment s'approcher de la prochaine étape, qui va être donc la cité en ruine où la reine, la maîtresse d'Ellie est retenue. Et avant ça, ils vont devoir avoir une petite aventure qu'on va vous raconter après cette seconde pause musicale. No time to discuss it. Can't speak when the waves reach our house upon the dunes. This time cannot be trusted when the police come. They always go too soon. Like them, like heaven today. Like fire cover, we are American men. I thought I'd probably stay. But before I know my Christian heart can always stand the thunder and the rain. I see you when the violence ends. For now, cha-cha, bambina. No signs of injustice. No signs but the flames that are filling up the room. Fight them and be trusted. When the engines come, they always come too soon. My Christian heart cannot withstand thunder and arena. I see you when the violence ends. For now, ciao, ciao, bambina. My Christian heart cannot withstand the thunder and arena. I see you when the violence ends. For now, ciao, ciao, bambina. To an extent, yeah. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Alors voilà, c'était Bambina de Vampire Weekend, tiré de l'album Father of the Bride, qui vient de sortir, et on est de retour pour vous parler du bel inconnu qui arrive gentiment à son but, la cité en ruine où la reine du Pays de Galles, en fait, est retenue prisonnière, et il va devoir la sauver en remplissant l'épreuve du fier baiser. Je me demande pourquoi ils n'ont pas simplement traduit « fier baiser », en fait. Ça aurait été assez intéressant de le laisser directement tel qu'il était, plutôt que d'essayer de traduire par « cruel ou sauvage ». Enfin bref, il va gentiment arriver à la cité en ruine, comme elle est nommée dans la Gaste cité, en fait. Elle est directement nommée comme dans la terre Gaste du roi pêcheur chez Perceval. Mais avant d'arriver à la cité en ruine, ils vont arriver d'abord dans une citadelle très belle, bien qui n'est pas à Gast, au contraire, qui est très, très, très bien entretenue, très bien défendue, qui s'appelle Galligant. Et alors ça, c'est une partie un peu curieuse. Le chevalier va demander à Ellie s'ils doivent y passer la nuit, et elle lui dit non, c'est même pas la peine d'y penser, c'est une mauvaise idée, ils reçoivent jamais personne pour la nuit dans cette citadelle. Il faut absolument dormir chez le maître de la ville, qui s'appelle Lampard, mais il les force à se battre contre lui, en fait, à la lance, et jusqu'à ce que l'un d'eux ait jeté l'autre à terre. Et alors, si le nouvel arrivant a été vainqueur, il est très bien traité, mais au contraire, s'il échoue, il doit s'en retourner sans cheval à travers la ville, et les habitants de la ville viennent à sa rencontre en portant des paquets d'immondices englués, de boue grasse et des récipients débordants de cendres et de détritus, et ils lui jettent à la figure toutes les choses les plus abjectes qu'ils ont pu ramasser. Donc c'est dangereux d'entrer, et en fait, il vaut mieux pas. Il y a personne qui a jamais pu battre Lampard, et c'est extrêmement déshonorant si vous échouez. Donc c'est un peu le c'est la contrebalance de la foule un peu honorable qu'on a vu qui respecte le résultat du combat. Là, par contre, on a une foule un petit peu plus, on va dire, cruelle avec les opposants. Et ce que je trouve très rigolo, c'est que lui, il dit non, mais il n'y a pas la peine d'avoir peur, aucun risque. Et on décrit donc, ils arrivent par les portes de la ville, ils la franchissent, et en fait, du coup, ils le montrent du doigt, puis ils sont là à regarder à nouveau, puis on les décrit en train de se dépêcher de confectionner leur paquet d'immondices. Et là, c'était vraiment le côté où j'étais là, mais c'est très Pratchett finalement, la foule qui commence à préparer ses paquets d'ordures pour lui balancer à la figure. Et Robert d'ailleurs le remarque, puis lui dit vous avez remarqué, la foule commence à se diriger comme nous vers le donjon, c'est un peu inquiétant. Et ils arrivent vers le seigneur de la ville, qui est un homme aux cheveux grisonnants, donc il est un peu plus âgé, hein. C'est assez rare qu'on décrive des chevaliers comme étant un peu plus vénérables dans ces conditions-là, surtout s'ils vont se battre. Et du coup, il lui expose les règles et il décide d'aller se battre dans une salle de plein pied, donc une salle qui est vouée au combat à cheval, puisqu'il doit pouvoir y entrer à cheval. Et ils vont s'équiper les deux et ils vont se battre à la lance. Et l'inconnu, évidemment, va réussir à battre Lampard et le mettre à terre. Et du coup, immédiatement, Lampard va accepter d'être son hôte pour la nuit. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on nous avait dit auparavant qu'il traitait la jeune fille avec beaucoup de respect, et en fait, on nous apprend qu'il est le sénéchal de la maîtresse d'Eli. Donc en fait, Eli devait très bien le connaître, puis c'est assez ce côté un peu curieux. C'est genre, elle essaie de prétendre de ne pas le connaître, en fait, elle sait qu'il est un peu horrible, mais vu qu'il est l'officier de la maîtresse d'Eli, il est gentil. Et pendant tout le reste du combat, malgré la coutume horrible de la ville, il va être un allié du bel inconnu. Et du coup, elle va lui expliquer qu'elle a trouvé le bel inconnu à la cour de Charles Lyon, à la cour d'Arthur, et qu'il est venu aider leur maîtresse. Et donc du coup, il est extrêmement heureux de le voir, et ils sont les meilleurs amis du monde. Donc ce que je trouve un peu quand même ouais, un peu curieux. Il a vraiment, c'est vraiment ce côté un peu particulier, le fait que Ellie essaie de les empêcher d'entrer dans la cité alors qu'elle sait très bien qui est le maître. Ça, ce côté, j'ai un peu de mal à envisager le raisonnement derrière. Je sais pas si ce que t'en as pensé, toi. Oui, c'est un peu, bon, c'est pas très clair pourquoi est-ce qu'on connaîtrait. Après, bon, ils vont rapidement arriver vers la cité en ruine après cette étape chez la cité de Lampard. Et très vite, Lampard et la jeune fille fondent en sanglots parce qu'ils savent que c'est une ville horrible maintenant, qu'elle a été complètement ruinée. Et l'inconnu va être armé et on va lui dire qu'il va devoir y aller seul. Et on va lui expliquer ce qu'il va trouver en fait dans la cité en ruine. Il va la trouver détruite et vide. Et il va entrer dans une salle de basse proportion, dans un palais de marbre qui se trouve au cœur de la ville en fait. D'abord, il voit que justement sur la ville est un champ de ruines, mais il voit que aux fenêtres de la grande salle, les embrasures des fenêtres, il voit qu'il y a des tonnes de jongleurs et de chanteurs et de musiciens qui ont chacun une chandelle de cire allumée devant eux et qui jouent un instrument qui les élue. Donc l'un joue de la harpe, l'autre joue de la rotte, un joue de l'estive, de la vielle, de la viole, du chalumeau. Il y en a un qui chante d'une voix de sirène d'ailleurs, et puis ils vont lui expliquer en fait que ces chevaliers vont le saluer, mais que lui il va devoir leur dire Dieu vous maudisse. Et il faut vraiment qu'il entre dans la salle, mais qu'il entre pas dans la salle suivante, qu'il faut rester, et c'est ce qu'ils lui disent de faire. Donc il va devoir entrer seul. Effectivement, il va voir les chevaliers, les jongleurs et leurs instruments. Ils vont lui dire Dieu sauve le chevalier de la maison du roi Arthur qui vient au secours de la dame. Et lui, il est un peu terrifié, puis il dit « Non, que notre Seigneur Dieu, lui qui créa le monde, vous plonge tous dans le malheur. » Et il traverse la salle en vitesse, et les jongleurs verrouillent la salle, et il trouve devant une table posée sur 7 pieds, et là, il attend le reste de l'aventure. Et il voit sortir d'une salle obscure, donc la salle, on lui a dit de ne pas rentrer, un chevalier en armes qui porte un bouclier vert qui va fondre sur l'inconnu, et ils vont se battre. Il va finir par le vaincre, et il va donc décider de renoncer et retourner dans la chambre dont il était sorti. Et le bel inconnu va faire mine de le poursuivre, mais il va s'apercevoir que de l'autre côté, il y a des grandes haches au-dessus de la porte, en fait, un peu à le piège à la Indiana Jones. Oui. Et que s'il entre dedans, elles vont tomber. Et elles tombent juste au moment où il arrive, donc il arrive juste à sauter en arrière, juste assez pour pas mourir. Et la salle est très noire et obscure, il n'arrive pas à retrouver son cheval. Et l'un des jongleurs va se rallumer toutes les chandelles de cire, et de nouveau il va voir la lumière, il va pouvoir retrouver son cheval, il va reprendre position au milieu de la salle des jongleurs. Et là, de la chambre dont était surgi l'autre chevalier, va avoir un autre chevalier qui arrive sur un destrier qui est en fait une licorne. Le destrier a des yeux flambants comme des cristaux, une corne plantée en plafond, des flammes qui jaillissent des naseaux. Et le maître est un chevalier gigantesque, robuste et féroce, brillant comme le tonnerre dans son armure tournoire. C'est Ganondorf, en fait. Il y a un côté vraiment très high fantasy dans ce passage, dans le château. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un jeu vidéo, dans un jeu de rôle. C'est vraiment le côté... Il y a du feu qui jaillit de partout, le cheval casse les dalles quand il galope dans la salle, la violence... Donc il éclate la pierre sur son chemin en créant des flammes partout. Et ils ont un combat épique qu'on compare avec le combat contre Olivier et Roland, entre Méné et Bréman, entre le géant Morolt et Tristan. Les cuirs se déchirent, les bois se fendent, les mailles des auberges se brisent, le fer des lances entre dans les chairs. Ils se battent vraiment à toute allure. Et à la fin, ils sont à bout de force. Et finalement, il a réussi à faire sauter le haut. De nouveau, il a réussi à faire sauter le haut de son ennemi. Et à lui briser le crâne de nouveau, donc c'est vraiment le... À lui fendre la tête en deux, c'est un peu son mode opératoire standard. C'est le signature move, c'est vraiment... Le finish de Mortal Kombat. Exactement, c'est ça. Et d'un côté, d'un coup, vraiment, il s'abat mort, bouche béante, et de son corps jaillit une hideuse et repoussante fumée qui s'échappe par la bouche. Et le bel inconnu arrive, il met la main sur la poitrine et il se décompose instantanément en matière glaireuse à la Voldemort, un peu comme ça. Et du coup, le bel inconnu se signe et va pour retourner vers son cheval. Mais les jongleurs, en voyant ça, partent en poussant leurs fenêtres, que tout le palais en est ébranlé, toutes les portes et les fenêtres du château se battent et claquent violemment. Et il a l'impression que tout s'écroule, en fait. Donc il se relève, va vers la table, et il arrive juste à tenir la table. Et tout a l'air de s'effondrer, il est en train d'un peu désespérer. Et il se demande ce qui va lui arriver, et il met toutes ses pensées... dans la dame en blanche main qu'il a quittée comme un russe, donc il se sent coupable de l'avoir abandonnée. Il se dit qu'il faudra qu'il se parvienne à s'échapper et à la retrouver pour se faire pardonner. Et il voit sortir d'une armoire une guivre, donc une espèce de un serpent, une vouivre en fait. Une vouivre en fait, littéralement une ouivre. Mais je sais pas pourquoi ils transcrivent guivre alors. Bah, c'est parce que guivre. Le W d'habitude ça devient un G en fait. Ouais, là. Mais enfin, c'est comme William Guillaume, quoi. Et la guivre répand autant de lumière qu'un cierge embrasé. Elle est énorme, sa poitrine est plus grosse qu'un tonneau d'un muit. Donc un muit, c'est un assez gros tonneau. Elle a des yeux comme deux grandes escarboucles. Elle glisse le long de l'armoire, donc c'est une espèce de serpent géant, en fait. Elle crache du feu, elle a une grande queue. On décrit pas si elle a des ailes, mais c'est un dragon sans pattes, en fait. C'est un dragon serpent, ouais. Elle mesure 4 toises, sa queue fait 3 boucles, elle est énorme. Et elle se dirige vers le chevalier, elle s'incline devant lui de la tête au poitrail, comme pour le soumettre. Donc lui, il tire pas son épée, il se dit « je dois pas la toucher, elle se soumet à moi ». Et en fait, elle avance vers lui, et de nouveau, il pense qu'il va sortir son épée, parce qu'il pense qu'il va essayer de le tuer, mais de nouveau, elle se s'incline, donc il se retient de nouveau de tirer l'épée, et elle s'élève jusqu'à sa bouche, et là, il tire l'épée du fourreau, mais de nouveau, une fois, elle s'incline, et il est fasciné par la bouche de la guivre, il est comme si sa bouche l'attirait, et la guivre s'élance et l'embrasse sur la bouche. Et elle s'en retourne en arrière, et elle retourne dans son armoire, et il n'y a plus de bruit, et la salle reste sombre, mais lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, il s'assoit à table, il est très inquiet à côté à cause du cruel baiser qu'il vient de recevoir, il pense sans doute avoir, effectivement la suggestion c'est qu'il pense avoir embrassé un démon ou quelque chose de maléfique, donc il a été trahi, le diable l'a saisi, et il entend une voix, d'un coup, et c'est vraiment extrêmement pratique, et il entend une voix qui lui révèle d'un coup ses origines et son lignage, et la voix crie « Fils de Monseigneur Gauvin, je savais bien que nul le chevalier n'aurait pu ni opérer cette délivrance, ni supporter ce baiser, et la cruelle et dangereuse aventure qui l'a précédée, aucun chevalier au monde n'aurait été assez vaillant, assez fort et indomptable pour avoir cette audace et ce courage, à part Gauvin, ton père, et toi-même. Personne ne pouvait délivrer ces hautes dames de grand mérite, du terrible péril où elle se trouvait par sa vaillance, tu l'as sauvée. » Et en fait, elle lui dit que son vrai nom de baptême, c'est pas le bel inconnu, c'est évidemment Guinglin, et que son père est Monseigneur Gauvin, sa mère, c'est la fée Blanche Mâle, et que c'est cette voix qui lui a donné son armure et son épée, et l'a envoyée au roi Arthur, qui lui a confié cette mission. On va apprendre plus tard qu'en fait, la voix, c'est pas... au début, je pensais que c'était la dame qui est la vouivre, en fait, c'est la dame du château, mais en fait, non, c'est pas elle, c'est la dame aux blanches mains, on va l'apprendre plus tard. Et il a parvenu à raconter cette tâche, et le récit nous dit à partir de ce moment, je ne l'appellerai que par son propre nom, Guinglin le bon chevalier. Et donc il se couche sur la table avec son bouclier sur la tête, il s'endort, et quand il se réveille, il fait grand jour, la salle est pleine de lumière, il voit une dame incroyablement belle, fléchée rose, à qui nul ne peut se comparer, sauf la belle aux blanches mains, bien sûr, plus belle que toutes les autres, mais cette femme-là est n'y a rien à redire, vraiment, littéralement. Hein. Qu'on estime notre que reprocher, ici la voie est nature faite. Elle est vraiment, en fait, c'est une dame d'or, en fait, elle est, contrairement à la dame blanche main. Elle a les vertus d'un manteau d'étoffe verte, elle a de magnifiques ziblines. On nous beaucoup d'intérêt sur les fourrures que portent les gens dans ce récit. Son manteau, en fait, son fermail a été travaillé d'une qualité exceptionnelle, fait par une fée. C'est vraiment aussi ce côté high fantasy qu'on retrouve vraiment dans le côté un peu fantastique des habillements des personnages là-dedans. Hein. Plein de pierres précieuses au pouvoir magique. Et en fait, elle prête allégeance à lui. Il la salue, elle dit qu'elle est sienne et qu'il est normal qu'elle le soit puisqu'il l'a délivrée de la captivité. Elle explique qu'elle est la fille du roi Gingras, qu'il l'a délivrée de sa malédiction. Et qu'en fait, elle lui explique que la raison de sa malédiction, c'était qu'il y avait deux magiciens, les deux hommes qu'elle a battus, en fait, qui sont arrivés, qui étaient morts, en fait. Son père était mort depuis 3 mois et que l'enchanteur Mabon est arrivé avec son frère et ils ont ensorcelé les habitants de cette ville qui sont devenus fous. Là, ils ont ruiné la ville. Ils la touchent avec un livre et elle prend l'aspect d'une guivre. Et Mabon, en fait, voulait que le plus puissant, le chevalier noir, donc voulait qu'elle devienne sa maîtresse. Et finalement, elle a envoyé la dame Ellie à la recherche du fils de Gauvin ou de Gauvin pour que du meilleur chevalier qui soit, en fait, pour qu'elle le délivre. Et elle lui explique que les deux chevaliers qui l'a battu étaient respectivement Évrin le Cruel, le premier qui a réussi à fuir, et le deuxième, Mabon, et que la mort de Mabon a mis fin à tous les enchantements, à l'exception du serpent, qui la guivre, donc, qui ne pouvait échapper elle-même, qui pouvait échapper à sa condition, qu'en lui donnant un baiser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le cliché d'habitude, c'est le chevalier qui embrasse, ou le chevalier ou la dame qui embrasse le monstre, qui se révèle être une belle personne, et en fait là c'est l'inverse, c'est le monstre qui embrasse. C'est le monstre qui engage. Et elle explique donc, du coup, que la ville, dont le vrai nom est Cynodon, était, depuis que Mabon en a fait un champ de ruines, la cité en ruine, et que ce royaume très grand, il sera sien, puisqu'elle veut qu'il devienne son mari, en fait. Et lui, sut paraître satisfait de ce discours, nous dit le récit, donc il cache son jeu, parce qu'il est toujours en mode de la dame au blanc chemin, évidemment, et elle répond « Ma douce dame, avec bonheur, je vous épouserai si Arthur y consent. » Donc il dit « Ouais, je vais pas promettre quoi que ce soit pour l'instant, il faut qu'Arthur consente. » Effectivement, il est le neveu d'Arthur, et il est, in fine, son héritier, après tout, parce qu'Arthur n'a pas d'autres héritiers que son neveu Gauvin, et lui-même est le fils de Gauvin. Donc techniquement, il est... l'héritier direct. Donc, en plus, il a d'autres raisons pour ne pas vouloir. Donc, c'est le moyen, nous dit le récit, qu'il a trouvé pour faire patienter la jeune femme et la rassurer par son parole. Elle fut ainsi persuadée qu'elle l'aimait. Donc, il a ce côté un peu double. Hein, là, il doit cacher son amour. Il est un peu dans une espèce de... Il ne sait pas trop quoi faire. Il a deux femmes amoureuses de lui. Il est amoureux d'une d'entre elles, l'autre un peu moins. Et donc, tout le monde est très heureux. Lampard, Ellie et Robert et le nain arrivent et sont extrêmement heureux de voir la dame délivrée. Et donc il lave les plaies, il l'habille correctement. Tous les hauts seigneurs du pays de Galles reviennent à la cité en ruine. Tout le monde est très heureux. Toutes les processions sont innombrables. Tout vraiment, la ville est restaurée, en fait. On fait des processions en jetant de l'eau bénite dans les rues pour exorciser la ville, vraiment. Tout est consacré d'eau bénite pour exorciser les enchantements de Mabon. Et puis... elle-même suggère qu'elle devienne la femme de Guinglin et que lui-même devienne le roi parce qu'il est le chevalier, le meilleur chevalier qu'on trouvera d'ici au Maine, qu'il est le père le fils de Gauvin le Loyal, neveu du roi qui est maître de toute la Bretagne et de toutes les terres jusqu'en Espagne. Donc tout le monde, évidemment, suggère qu'il devienne leur souverain et épouse leur dame. Puis Guinglin répète qu'il attend d'avoir la permission d'Arthur, donc il ne veut pas refuser frontalement. Et il dit, allez voir Arthur pour la remercier, parce que c'est grâce à lui, finalement, que vous avez été délivré, parce que sinon, si je n'étais pas allé à sa cour, je ne serais jamais venu ici. Si elle me veut comme mari, c'est auprès du roi que je prendrai conseil. Si le roi le veut, je l'épouserai. Et donc, tout le monde se prépare pour partir à la cour du roi Arthur demander ça. Et pendant ce temps, Guinglin, en fait, il est fatigué, affaibli, il veut déjà soigner ses blessures et tout. Mais après, il va retourner au château de l'île d'Or pour rejoindre la Belle au Blanc Chemin. Oui, il se morfond un peu parce qu'ils sont terriblement coupables d'avoir abandonné la dame de l'île d'Or, la dame au Blanc Chemin. Et en fait, il va demander conseil à Robert. Et Robert va lui dire qu'il n'est pas expert en matière de chevalier, mais que... Il n'y a pas de prix à celui qui ne souffre pas d'amour. Donc, il est vraiment du côté de son maître et il veut vraiment que l'amour doit être exaucé. Et en fait, il suggère qu'il lui dise qu'en chemin vers la cour d'Arthur, lui, il va se rendre ailleurs, mais qu'il va la retrouver. et ça lui permettra de s'échapper. Donc Robert est vraiment l'expert des espèces de... Ça c'est marrant parce qu'il dit justement... Des plans de sortie comme ça. Il dit justement, d'habitude vous vous moquiez de moi quand je parlais... T'as Robert qui dit, vous moquiez de moi quand je parlais d'amour. Je sais pas exactement à quoi il fait allusion, mais... Bah, on doit avoir l'idée que le bel inconnu d'habitude c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, froid, alors que Robert c'est un peu un homme... un jeune homme un peu plus typique. On n'a pas vu tant de proverbes qui parlaient d'amour dans le fil de l'aventure, mais justement il dit maintenant vous vous moquez de l'amour, mais maintenant il vous piège de sa lance cruelle. Après c'est assez intéressant parce que ça dépeint vraiment la relation entre un maître et son écuyer. Il y a le côté assez sympathique, c'est ça qui m'a fait bien apprécier le personnage de Robert. C'est un personnage qu'on trouve pas beaucoup d'habitude dans les romans arthuriens. Il a un peu le rôle de Corel Lunette dans Ivan éventuellement, mais c'est de nouveau il va devoir le fournir à Guinglas une solution pour aller conquérir l'amour de la dame aux blanches mains. Donc effectivement, il attend pendant 3 jours, et demain, au cinquième jour, alors que la blonde Esmeré, puisque c'est le nom de la fille du roi Gringras, se prépare à partir, donc équipée bien sûr très luxueusement, lui-même sort et elle demande à ce qu'il est arrivé, et il lui dit qu'il est impossible pour lui de l'accompagner. Il a quelque chose à faire en un autre lieu, ce qui est effectivement vrai, et que dès que ce sera fait, il ne s'attardera pas et qu'il la rejoindra. Donc il lui dit « Saluez pour moi le roi Arthur, donnez-moi l'autorisation de vous quitter ». Elle lui dit « Mais peut-être moi, je serais très malheureuse ». Puis il lui dit « Pas possible de faire autrement, je m'en vais, Dieu vous garde ». Et il se barre. Bon, tout le monde était très triste, tout le monde est malheureuse, elle continue à se diriger vers la cour d'Arthur, mais maintenant elle est toute triste, donc c'est un peu triste. Et pendant ce temps, Guinglas va se diriger vers la belle aux blanches mains, puisqu'il est terriblement amoureux d'elle et qu'il ne peut rien faire d'autre. Donc il va courir, et en une journée, il va couvrir 30 lieues jusqu'au bretèche de la citadelle d'or. Et il va arriver à l'extérieur des remparts vers un groupe de dames, de chevaliers et de jeunes filles qui se dirigent vers lui. Et il voit en fait qu'ils sont... de retour d'une partie de chasse aux oiseaux, donc ils ont tous des éperviers, des faucons, des oiseaux de chasse au poing, et en tête de la compagnie, ils voient la belle aux blanches mains en tête de cette équipée. Donc. Et on nous décrit de nouveau la merveilleuse allure de cette dame et son cheval qui est équipé d'un espèce de carapaçon d'écailles d'or, donc un peu comme une espèce de cataphracte. Qui a été fabriqué par les morts d'ailleurs, et puis. Voilà, et elle a une selle faite des mains d'un artisan d'Irlande. Enfin, elle est merveilleuse, elle est. Nouveau, portait pas de voile. C'est peut-être aussi un signe qu'elle n'est pas entièrement humaine, elle porte pas de voile, contrairement aux femmes normales. Elle est merveilleusement faite, elle est merveilleusement belle. Et il arrive vers la dame et lui dit « Dame, je veux vous parler, révélez mon secret, éloignez-vous un peu. » « Mais qui êtes-vous donc ?» Et elle dit vraiment, littéralement, et il lui dit « Non, mais dame, je veux implorer votre grâce, pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi, amour m'oblige à vous dire toute la vérité, j'en suis très gêné, amour me tient, amour me harcèle, dame, vous pouvez être certaine que dussé je fait être prisonnier, être tué, pendu, brûlé, je ne saurais dissimuler mes sentiments, maintenant c'est à vous qu'il revient de pardonner ou de ne pas pardonner, vous avez sur moi tout pouvoir de vie et de mort. » Puis elle lui dit littéralement « Mais... qui êtes-vous ?» C'est formidable. Et puis elle lui demande, elle dit, vous savez, vous m'avez hébergé. Puis là, c'est vous qui m'avez abandonné traîtreusement alors qu'on avait des projets de mariage. Et c'était vraiment... Ça se passe pas très bien, disons, les retrouvailles où il voulait retourner vers la dame. Et du coup, lui, il promet de mourir parce que maintenant, il l'a offensé, donc la vie lui fait horreur. Et du coup, elle l'abandonne un peu comme un vieux, comme un malpropre dès qu'elle entre dans la ville. Elle descend Guinglas lui reste en dehors de la ville. Et donc du coup, Robert l'amène vers le logement où ils avaient résidé la dernière fois. Et il va décider donc du coup de passer la nuit là, puis de voir ce qu'il peut faire. Et en fait, lui est tellement malheureux, tellement transi. Il dit non, c'est pas possible, Robert. Tu vas me perdre, l'amour va me donner la mort. Puis lui, il dit j'ai aucune autre solution que de mourir parce qu'elle m'a dit qu'elle se souvenait encore de ce que je l'avais fait et elle m'aurait réservé une mort déshonorante si jadis son cœur n'avait eu de l'amour pour moi. Et en fait, Robert dit elle a dit qu'elle avait jadis de l'amour pour vous, monseigneur. Elle s'en souvient encore, son cœur a été à vous. C'est plutôt encourageant comme réponse. Bon, sa réponse était très gaie, elle était très je n'aimerai plus jamais car j'ai été trahi, plus jamais je me laisserai attendrir. So you're saying there's a possibility. Non, lui, il est vraiment plutôt optimiste. Et pendant plusieurs jours, il est vraiment. Il se dépouille, il donne tous ses biens à tout le monde, il a. il attend pendant 15 jours en fait. Mais il fait pas grand chose, il attend surtout. Mais on lui dit qu'il donne ses dons en fait. Pour ménager une rencontre, il dépensait le peu de biens qu'il possédait. Et en fait, il donne des sous à tout le monde pour essayer de la rencontrer, mais ça ne marche pas vraiment. Il se dépouille de tout ce qu'il avait. Et pendant 15 jours, il distribue tout son équipement. L'amour devient son maître en fait. L'amour l'emplit d'angoisse, le mène à sa guise. Nuit et jour, il se plaint des tourments de l'amour. Je pense pas qu'il y a aucun épisode de Chrétien, même chez Lancelot, où on retrouve autant cette espèce de prisonnier de l'amour, ce motif du prisonnier de l'amour. Hein. C'est vraiment extrêmement fort chez lui. Il est accablé par la souffrance, il est presque fiévreux d'amour dans son lit. Il connaît l'emprise de l'amour. Et finalement Robert s'inquiète quand même un petit peu. Ouais. Il dit oui, c'est pas normal quand même. Et finalement, en fait, arrive une jeune fille qui est une émissaire de la dame de la ville, de la dame au blanchiment, et elle dit finalement, elle veut bien vous voir, elle accepte de vous voir. Elle lui donne un vêtement et. Elle lui donne un vêtement, il crie Dobby est un elfe libre et il s'enfuit. Littéralement, donc elle va le retrouver dans un jardin. Un merveilleux jardin d'ailleurs qui a ce côté un peu magique de nouveau. Il y a tous les arbustes de la création qui se retrouvent dans cette espèce de jardin botanique un peu magique avec toutes les espèces possibles et des tas d'oiseaux différents qui habitent dedans. Et de nouveau, elle est vraiment d'une beauté ébahissante. On nous dit qu'elle se compare à elle, même Hélène, même Isola Blonde, ni Lavinie de Lombardie les Médénées, ni la fée Morgane avait le dixième de sa beauté. Donc, de nouveau, on la décrit comme merveilleuse et magnifique. Et donc, de nouveau. Il dit toutes ces femmes qui citent autant comparer la lune avec le soleil. Donc, voilà, c'est vraiment. Elle est plus magnifique que tout. Donc, il se porte garant. Elle a dit, vous m'avez fait payer très cher ma transaction, ma transgression passée. Et finalement, elle arrive à lui pardonner. Et puis, lui dit, le seul reproche qu'on peut vous faire, c'est que vous ne savez pas aimer. Effectivement, il était un peu novice dans les arts de l'amour. C'était un peu ce côté. Voilà, c'est un jeune adolescent. Contrairement à Robert, qui lui semble être un peu plus malin sur lui que ce sujet, elle décrit sa transgression comme étant une conséquence du fait qu'il n'était pas assez expert en amour. Et donc du coup, il va la remercier, il va décider de vivre avec elle, en fait, pour le futur. Et donc elle lui donne, de nouveau, il y a une espèce d'épreuve du lit, elle le met dans un lit, elle laisse la porte de sa chambre ouverte, mais elle la ferme pas, mais elle lui dit « Attention, vous n'avez pas le droit de rentrer, prenez garde, votre lit est très près de la porte, mais vous allez tenter, mais ne le faites pas. » Et lui, effectivement, pendant la nuit, il tombe tellement amoureux, puis il se demande si c'est un jeu, elle dit « Mais est-ce qu'il faut quand même que j'essaie d'entrer, parce que elle me teste ?» Et en fait, il va essayer d'entrer dans la porte à plusieurs reprises, mais chaque fois, il va avoir l'impression, quand il approche de la porte, qu'il est dans une situation horrible. D'un côté, en croyant arriver vers la porte, il se rend compte d'un coup qu'il est au-dessus d'une rivière, il est au-dessus d'une espèce de sur une falaise, et il est sur une planche en train d'essayer de traverser une rivière. Et il va tomber, il se raccroche à quelque chose, et en fait il va réaliser que... Et il se met à crier « Non, sauvez-moi !» Et puis tout le monde arrive au milieu de la nuit avec des chandelles et tout, et puis il voit qu'il est juste par terre en train de... Non, il est attaché à une espèce de... En fait, c'est pire, il est accroché à un bouchoir, au perchoir d'un épervier. Ouais. Il a peur de se noyer, puis en fait il est juste au-dessus du sol. L'épisode se répète de nouveau, il va se rendormir, puis de nouveau il se décide d'y aller, et en fait il a l'impression que d'un coup, alors qu'il approche de la chambre, toute la salle, le poids de la salle est sur sa nuque, et de nouveau il s'évanouit, et en fait il crie tout le poids de la salle est sur ma nuque, je vais mourir, aidez-moi, soutenez-moi, pardon, je vais mourir d'épuisement. En fait les écuils arrivent, puis la lumière arrive, et puis il a juste un oreiller sur la nuque. Donc de nouveau il est désespéré, et il jure de plus s'approcher de la porte de la chambre. Et là d'un coup il y a une servante qui arrive vers lui en sortant de la chambre et qui lui dit « Je ne dors pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui dit « la jeune fille lui dit « Ma maîtresse a envie de vous voir maintenant. » Et donc du coup, là, il passe de nouveau un manteau, il sort de son lit, et là, pour le coup, il arrive et il traverse la porte de la chambre, et ben, finalement, il voit sa dame dans son lit, et ben, il s'étend côte à côte, il s'enlace, leurs lèvres se touchent, Alors, évidemment, c'est cette stéréotypique de la relation sexuelle dans les romans arthuriens qui est un peu évasive. On nous dit « Je ne sais pas s'il fidèle sa maîtresse, je n'y étais pas, je n'ai rien vu, près de son bien-aimé. » La dame perdit toutefois son appellation de jeune fille. Donc, ambigu, mais quand même pas trop. Hein. C'est clair qu'ils se sont consolés de leur longue attente, on nous dit. Donc on peut noter qu'il y a vraiment la chambre est vraiment paradisiaque, il y a de l'or, de l'argent, des objets précieux, une espèce d'odeur d'encens, de pyrèthre ou de cannelle, donc une odeur épicée qui apparemment suffirait à un malade de rester quelques instants dans cette chambre pour guérir. Il y a des mosaïques, il y a un drap de Constantinople, sur le sol il y a une mosaïque de pierres précieuses de toutes les couleurs qui représentent des fleurs, des oiseaux, toutes sortes d'images qui étaient si bien faites et si belles qu'on ne saurait nommer au monde, et même dans la mer de bêtes, poissons, dragons, oiseaux volants qui ne furent reproduites dans la mosaïque du sol. Et puis le lit, bien sûr, c'est le plus beau lit qu'on a jamais vu. Alors, ils vont passer une nuit ensemble et le lendemain, il va lui demander un peu, mais comment ça se fait que j'ai eu ces enchantements ? Et elle va lui expliquer qu'en fait, son père était un grand roi plein de sagesse et que il lui a, vu qu'elle était son unique héritière, il lui a enseigné tous les arts libéraux, elle les possède tous, arithmétique, géométrie, nécromancie et astrologie, donc elle a vraiment tous les pouvoirs. Jaywalking. Voilà, c'est ça. Jaywalking et meurtre, meurtre rituel. Donc elle a... Et elle va lui expliquer en fait que qu'elle le connaît depuis longtemps, qu'en fait elle connaît tout parce qu'elle a ce pouvoir de divination, et en fait qu'elle l'aime avant même qu'il était chevalier, elle savait en fait tout, elle était souvent rendue chez sa mère pour le voir, et personne n'aurait pu l'obliger à partir, donc elle était amoureuse de lui depuis très très longtemps. Elle lui explique que c'est sa mère qui l'a, genre qu'il ne sait pas que c'est sa mère qui l'a adoubé, ça j'ai pas vraiment compris, mais enfin c'est, elle lui explique que c'est elle qui a tout orchestré pendant l'aventure pour que les aventures se déroulent et qu'ils finissent par arriver. Elle lui explique que c'était elle, la voix qu'il a entendue quand il a tué Mabon, accompli l'épreuve du cruel baiser, et en fait elle a, tout ça c'était un grand plan de sa part pour obtenir à la fois lui et son amour. Donc du coup il est très heureux, il lui promet de jamais lui désobéir et de lui causer le moindre désagrément. C'est ironique parce que étant donné qu'elle connaît l'avenir, elle sait à peu près comment la suite de l'histoire va se dérouler, et puis on a plusieurs indices qui vont dans ce sens là voilà. Alors très vite ils vont merveilleusement de nouveau il y a une réplique de la scène un peu entre elle et Guinglin qui va être de nouveau l'autre côté de la scène avec la blonde Esmerée, où elle va demander à ses seigneurs, elle va dire ah c'est lui, c'est mon chevalier, je veux que vous obéissiez à ce chevalier qui sera votre maître de nouveau. Donc il est devenu un grand seigneur, mais auprès de la dame aux blanches mains ce coup-ci. Et du coup de l'autre côté ils vont, elle va rendre en fait la blonde Esmerée, elle se rend vers la cour d'Arthur, et au bout de 4 jours ils tombent sur 4 chevaliers montés sur des palefrois sans chevaux de combat qui tiennent tous sur leur point des éperviers muets d'une beauté incomparable. Et en fait, il lui explique qu'ils sont 4 chevaliers qui ont été vaincus par un même bel inconnu qui les a vaincus au combat, qui leur a intimé de se rendre à la cour d'Arthur. Donc ils ont quand même mis un bon bout de temps pour se rendre à la cour d'Arthur. Et lui, elle lui explique qui il est en fait. Et elle se rend à la cour d'Arthur avec eux. Donc il y a Bliobléris, il y a le seigneur de Sey qui était le troisième larron qui a été l'ami de Bliobléris, l'orgueux de la lande et Guirflay, fils de Do. Donc les 4 chevaliers que Guinglin a vaincu en arrivant vers la cité en ruine. Et ils arrivent à Londres. Donc là, on va de Galles en Grande-Bretagne. Donc Arthur réside à Londres. Et de nouveau, il y a donc une description de la rencontre entre Arthur et la reine. Elle lui explique qui est vraiment Guinglin, de qui il est le fils. Elle lui explique qu'il a vaincu. Et elle lui demande de lui donner Guinglin comme époux et de le couronner roi de Galles. Et le roi est très heureux, évidemment, il apprend d'apprendre tout ça. Et, bah, évidemment, pour lui, Gauvin, évidemment, est aussi très content d'apprendre que Guinglin est son fils. Il confesse qu'il avait aimé la fée qui était la mère de Guinglin. Donc, il est les 4 autres hommes qui étaient avec la reine arrivent et se constituent prisonniers. Ils sont vraiment... Alors là, bien sûr, ils sont admis à la table ronde. Admis à la table ronde, malgré la trahison de Diobléris dans un premier temps. Et... eux, ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont un peu embêtés. Guinglin n'arrive pas. Donc, il va demander conseil à ses chevaliers, Arthur, et tout le monde va suggérer finalement, en fait, Amangon, le roi Amangon, va suggérer qu'ils organisent un tournoi. Puisque Guinglin est un vaillant chevalier, en entend parler d'un tournoi, il va sûrement décider de venir y participer, et du coup, comme ça, bah, ils pourront le retrouver. Et effectivement, il suggère d'être hôte de la dame et des 4 prisonniers et d'organiser ce tournoi qui va s'étendre sur une plaine entre la place forte des Pucelles et celle de Valais. Donc la place forte des Pucelles, ça a l'air d'être le château des Pucelles. C'est mentionné après comme étant le Castiel Serrois Pucelles, donc le château des Pucelles littéralement. Tristan va devenir donc un des. Dans ces tournois, on réalise 2 parties qui vont l'un défendre, l'autre attaquer, et Tristan va. Demander à diriger le parti de Valédon, donc c'est la première place forte, et le roi de Montesclair, la même chose pour l'autre parti, et ils vont organiser le tournoi dans un délai d'un mois. Et alors Guinglin l'apprend par un jongleur qui annonce le tournoi en venant au château alors qu'il avait tous ses désirs, et il demande la permission de se rendre au tournoi, mais la dame au blanc chemin lui dit « Vous n'obtiendrez jamais mon approbation ou ma permission, parce que grâce à sa science, en consultant les étoiles, elle a vu que s'il y allait, il ne reviendrait jamais. » Parce que là-bas, vous attend une dame que Arthur veut vous faire épouser. Puis lui, évidemment, il est très ménant, mais bien sûr que non. D'où elle viendrait cette dame? Quelle dame qui est une dame? Et vraiment, le côté un peu, il joue un peu... Non, mais vous êtes sûr, aucune possibilité que je vous trahisse, c'est sûr, mais il faut vraiment que je parte demain. Et lui, elle lui dit, voilà, je suis sûr, vous êtes persuadé maintenant, vous allez vouloir vous y rendre, vous êtes persuadé que vous n'allez pas me trahir, mais ça sera contre mon gré, je me rends compte que vous ne m'aimez pas assez. Donc en fait, malgré son amour transi absolument pour elle, bah, finalement... Il est plus attiré par les hauts faits que par elle-même, en fait. C'est un côté très yvain, justement, genre le mari qui demande la permission à sa femme. Bon, là, ils sont pas encore mariés, il est pas encore proprement marié avec la dame au blanc chemin, justement parce qu'il va devoir se marier avec l'autre dame, mais il veut se barrer pour accomplir des prouesses avec les copains, et puis la dame veut pas vraiment. Et puis elle dit justement, on voit ce que vaut votre foi, donc ce que veulent vos engagements, vos serments sur ce sujet-là. Guinglin dit à Robert, donc prépare mon équipement pour demain, et puis... Il va dormir, et puis comme nous dit... Auprès de sa dame. Hein. Auprès de sa dame, et il se réveille le matin suivant, dans un bois, son équipement à côté de lui, sur son bouclier. Son cheval était accroché à côté, et Robert à côté aussi. Et comme le dit le texte, tel péché, telle punition. Et en se voyant l'un l'autre, ils se sentirent tous deux désemparés. Guinglin se rend compte que... Il est plus, il est plus en faveur, que ça a un peu mal tourné. Et puis il dit, Robert, est-ce qu'on a dormi ici cette nuit? J'avais l'impression d'avoir dormi dans le lit de mon ami. Et puis après, Robert, je n'ai pas su la conserver. Elle m'avait pourtant bien dit hier soir que je la perdrais si je me rendais à ce tournoi. Et voici que je l'ai perdue par ma conduite insensée. Hélas, quelle perte irréparable. Me voilà condamné au malheur pour le restant de mes jours. Puis il dit, puisqu'on peut pas changer ce qui s'est passé, allons de l'avant. Mais en tout cas, il y a cette idée que voilà, il allait être... attiré en dehors du château de l'île d'Or tôt ou tard. Alors, ils se rendent très vite au tournoi, ils y arrivent. Alors, on va pas vous résumer le tournoi, parce que vraiment, le tournoi est assez fastidieux. Ça prend quand même... Ça prend presque 800 vers, je crois, quelque chose comme ça, à décrire tout le tournoi. C'est vraiment... Il y a deux, trois passages qui sont beaucoup plus lacunaires, où là, le manuscrit est beaucoup plus abîmé et qu'on n'a pas forcément... c'est dommage de ce côté-là. On voit pas tout de suite. Alors évidemment, les descriptions sont très riches. On voit pas tout de suite arriver notre protagoniste, hein, même si on nous décrit quand même beaucoup des différentes équipées, de qui se bat contre qui. Alors on a des petits détails. On a Tristan par exemple qui se bat et qui a accroché à sa lance la manche d'Iseux. On décrit les assauts qui se font les uns contre les autres. Et en fait, Guinglin arrive finalement au tournoi. Il est le héros, donc il bat tout le monde. Il parvient à vaincre en fait à peu près tout le monde sur qui il tombe. C'est un tel habile combattant qu'évidemment tout le monde veut le nommer roi du tournoi, en gros. Et finalement, il va réussir à admettre, ils vont vraiment tous décider que ce chevalier-là, c'est le plus vaillant. Et effectivement, le roi va deviner qu'il s'agit de Guinglin. Là, c'est pas la révélation mystique, parce qu'il a les mêmes armes qu'il avait depuis le début de l'aventure, donc bah, c'est logiquement. Ouais. Et finalement, il va finalement être le grand vainqueur de ce tournoi. Finalement. C'est vraiment, ça se finit vraiment très très vite. Hein. Tout le monde, la première journée, tout le monde finit conscient que Guinglin, va être un des meilleurs. Il reste le soir-là. Et le deuxième jour, en fait, est passé expéditivement. On dit juste, le deuxième jour se déroule. Alors, c'est très lacunaire, là, de nouveau. Donc, peut-être que c'est aussi par volonté de couper que le scribe a largement abrégé cette deuxième journée, parce que la première est déjà assez longue. Mais à la fin, Giflet est envoyé par Arthur pour savoir qui aurait gagné, en fait. Et chez le roi Anguizel, il trouve Guinglin, le vainqueur du tournoi, et tout le monde est très content, parce qu'évidemment, c'est Guinglin qui a remporté le tournoi, et tout le monde se précipite vers lui pour le saluer. Il passe la nuit sur place, et le lendemain, ils se mettent en route pour gagner Londres, où la blonde Esmerée était restée, et tout le monde est très content. La blonde Esmerée le salue, elle est très heureuse de le voir, elle fond dans ses bras, et donc lui décide de... Il décide finalement de marier, évidemment, Guinglin. Arthur s'assied entre la blonde Esmerée et puis Guinglin, il les prend par les mains et il dit « Acceptez ». Vraiment, il les promet l'un à l'autre en leur disant accepter cette dame. Ils se joignent tous aux prières du roi, donc tout le monde dit allez-y, épousez-la, épousez-la, et puis bien sûr, il accepte les noces. Donc est-ce que t'es très, peut-être un peu aigre-doux justement quand on lit l'histoire où on se rend compte que finalement il fuit ce mariage, même si c'est la dame qu'il a libérée de sa quête, à la base c'est pas celle qu'il veut épouser, mais il perd la dame qu'il convoitait, et finalement ça fait un peu prix de consolation, donc c'est un peu... Qu'est-ce que... C'est-à-dire que le narrateur nous dit à plusieurs moments justement à quel point l'amour peut être un peu... justement cruel, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut en amour, et puis ça peut être un peu asymétrique et ingrat, et puis finalement ça se conclut avec cette histoire où Guinglin se retrouve maqué avec cette dame parce que c'est celle qui reste, et puis finalement elle est extrêmement belle et c'est un beau parti, puis il l'aime bien, mais apparemment c'est pas la meilleure dame qu'il voulait. Quelque part ça va aussi, c'est un ce côté par moment un peu on a l'impression que c'est un peu le côté éducatif, dire oui, vous lisez des romans de chevalerie où tout le monde tombe amoureux de la merveilleuse personne qui sont envoyés sauver, mais si ça se trouve, vous n'allez pas tomber amoureux de la personne avec qui vous êtes promis, vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, vous allez vouloir être avec elle, mais enfin, vous ne pouvez pas, c'est pas comme ça que ça se passera. Il y a ce côté un peu presque éducatif, enfin, bon, vous savez, on a l'impression parfois qu'il s'adresse à des gens qui ont l'habitude de lire ces récits, puis il va amener un côté un peu aigre-doux, comme tu dis, mais plus réaliste derrière psychologiquement ou humainement, je sais pas. À la fin, en tout cas, elles sont une fois les deux couronnées, donc ils sont couronnés au Pays de Galles. Le roi Arthur les accompagne. Tout le monde, il est couronné roi de Galles. Il devient un roi d'une grande notoriété. Et là, s'achève le récit. Et la fin vraiment du récit, c'est Renaud de Beaujeu vous prie instamment au nom du Seigneur que vous n'oubliez pas, Il parle à sa dame. Il veut vous aimer à jamais de tout son cœur. À votre gré, il prolongera son récit ou se taira pour toujours. Mais si vous acceptiez de lui réserver un accueil favorable pour vous, il ferait en sorte que Guinglin puisse retrouver son ami qu'il a perdu et la tenir nue entre ses bras. En revanche, si vous le faites attendre, Guinglin connaîtra la douleur de ne jamais retrouver son ami. Il n'y a pas d'autre vengeance. Mais pour son plus grand malheur, c'est sur Guinglin que pèsera cette vengeance. Jamais plus je ne parlerai de lui tant que je ne serai pas vu réserver ce bel accueil. Donc en fait, il semble dire, si vous voulez la suite où Guinglin finit par retrouver sa vraie aimée, il faut que vous m'aimiez. Ben on n'a pas d'histoire, On dirait ça fait un peu la fin des les notes de l'auteur sur fanfiction.net où t'as l'auteur qui dit nouveau chapitre et tout, mais c'est très aigri, et puis c'est très justement, il y a rien dans la conclusion qui dit finalement Guinglin aime la femme qu'il épouse, il y a rien qui nous dit, qui nous parle de l'affection de ces deux époux qui sont mariés à la fin. C'est juste, oui, ils sont mariés. Elle est amoureuse de lui. Elle est amoureuse de lui, mais Guinglin, par exemple, on nous dit pas justement, il a fait un mariage de raison, ou bien est-ce qu'il l'aime ou pas. C'est vraiment pas clair. Et puis, dans la mesure où Renaud de Beaujeu, c'est quelqu'un qui courtise des dames mariées, peut-être que finalement, c'est un peu ça qu'il pense ça montre un peu le problème du mariage dans l'idéologie courtoise, où le mariage c'est bien, mais d'un autre côté, généralement, tu te maries pas avec la personne que tu vas aimer le plus, parce que c'est pas le plus très bien. Il y a des considérations politiques ou économiques. Mais cette idée, oui, il voulait faire un bel inconnu 2 où justement Guinglin peut retourner à l'île d'Or et puis il l'a jamais fait, ou alors est-ce que c'est une pure mise en scène. Y a ce côté un peu finalement méta là-dedans. Si cette dame, comme il le présente, il l'adresse à sa dame qui finalement, si cette dame l'aime, Guinglin reviendra vers son ami, et en fait peut-être que tout le monde sait justement que Guinglin ne revient jamais vers son ami, c'est pas possible, ouais. Ce qui prouve bien la futilité de cette espèce d'amour courtois aussi, où on est condamné à être amoureux de gens qui ne peuvent pas retourner notre amour, et où il y a des considérations qui sont pas les mêmes. Le côté est un peu rendu un peu étrange, c'est ce double poétique vraiment qu'est la dame aux blanches mains par rapport à la blonde esmerée aussi. Certains disent peut-être que c'est la même personne, c'est suggéré, ça me semble pas du tout envisager là, il y a peut-être une volonté de le rendre un peu comme si cette dame aux blanches mains était vraiment purement une fée, quelqu'un de l'autre monde. Mmh. Et il y a ce côté un peu, effectivement, le côté un peu cassant qu'elle a dès qu'il décide de se rendre au tournoi, qui pourrait présager ça. Mais d'un côté, c'est aussi le côté très pratique de simplement il s'endort puis il se retrouve en dehors du château, un peu chassé. Il y a ce côté vraiment un peu étrange de cette figure de la dame aux blanches mains qui signale peut-être le fait que de toute façon, c'est pas quelque chose qui aurait pu durer, même s'il est amoureux désespérément. Ce côté féerique de la littérature arthurienne, où généralement quand vous êtes amoureux d'une fée, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que soit elle va retenir le chevalier pour toujours, et donc il va vraiment être retiré du monde et on sait pas ce qu'il devient, soit elle va l'exploiter pour lui faire des exploits, justement garder un guet périlleux ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on a vu pas mal justement dans le Perceval en prose, où on a ce bonhomme qui urbain qui garde un guet et puis qui est apparemment ami d'une fée qui se change en oiseau, ce genre de choses. Vous avez deux trois histoires galloises irlandaises où justement on parle d'un guerrier ou d'un chevalier ou d'un noble qui est emmené sur une île généralement par une belle dame qu'il garde là-bas pour toujours, et puis apparemment les saisons et le temps se passent pas de la même manière, donc c'est pas si terrible que ça, parce que vous revenez jamais. Puis il y a cette idée que justement s'il reste avec la dame ou au blanche main, il serait complètement coupé du monde, et puis il y a ce souci du tournoi qui le fait revenir dans le monde, ce souci très mondain finalement qui fait que finalement c'est tout rien, donc il ne peut pas rester avec la dame ou blanche main. ce côté presque un peu insatisfaisant, effectivement, ça semble être assez, en tout cas, délibéré hein, dans le, le bel inconnu. Ça semble vraiment s'inscrire tout à fait à contrario de quelque chose comme Erek ou comme Yvain. Mais Yvain, typiquement, qui est l'exemple de ce chevalier qui, finalement... arrive à se réconcilier avec sa dame. C'est ce côté un peu, voilà, presque cynique par rapport à la propagande arthurienne. Ça fait un peu la personne qui se dit, ouais, vous écoutez tous ces récits de cours, mais vous ferez pas des grands mariages heureux avec la personne dont vous êtes le plus amoureux du monde. Ça ne se passera pas comme ça. C'est peut-être aussi une façon d'inclure un peu de réalisme dans cette matière de Bretagne. Je ne sais pas si c'est vraiment... c'est assez particulier comme récit, hein, il faut dire. Peut-être qu'un jour, on trouvera le manuscrit perdu du Bel Inconnu 2 et puis on pourra plus... Du coup, tout ce qu'on dit là n'a pas de sens. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments justement dérivatifs qui font penser à ça. On avait vu justement, il court après le chevalier puis il y a une hache qui s'abat juste avant qu'il entre. Ça fait penser un peu à Yvain, où il y a la herse qui s'abat sur le chevalier juste avant qu'il entre dans le... quand il le poursuit. On a le début qui ressemble beaucoup à Perceval. On a le tournoi de l'épervier qui vient directement de Erek et Enid. Mais c'est à chaque fois avec des éléments un peu plus... Avec des variations. C'est paradoxal, parce que d'un côté, c'est un des romans arthuriens, à l'exception peut-être de, je sais pas, Perceval, qui est le plus étrange avec ce roi pêcheur et ce Graal, mais le plus mystique peut-être. Mais c'est vraiment des romans les plus high fantasy, avec le méchant enchanteur qui se change en poussière dès que tu le touches, la damoiselle changée en dragon qui l'embrasse, la fée avec les sept arts libéraux. Je me suis demandé à un moment si c'était pas une espèce de métaphore de l'université, en fait. Lui, c'est la quête du savoir. Elle représente vraiment l'université, quoi. Elle a les sept arts libéraux, elle a le trivium et le quadrivium. Elle doit retenir son amant pendant son prétendant doit être vainqueur pendant 7 ans avant de pouvoir continuer. Ouais. Il y a un peu ce côté est-ce que c'est vraiment un truc sur les... Tu dois tuer en combat singulier tous tes compétiteurs. Elle représente la directrice de thèse. Donc une lecture allégorique de la... Non, mais ça pourrait... Il y a cet aspect de la connaissance un peu et des autres attractions. Peut-être qu'effectivement pour un jeune chevalier un jeune, disons, de la petite noblesse d'une famille mineure de l'Ain ou de la Haute-Savoie tel que la famille de Bagé, par exemple, ça pourrait représenter un but, effectivement, l'idée d'aller à l'université et d'avoir une autre carrière que celle, finalement, à laquelle on est promise. Ça serait peut-être peut-être que le récit s'adresse à vraiment une personne particulièrement spécifique et qu'il y a une histoire réelle derrière. Il y a une histoire réelle de... Non, je sais pas. Probablement pas, mais... Mais j'aime bien la parabole universitaire, vraiment, l'aspect avec les 7 années, le trivium et le quadrivium. Attendez notre article dans le prochain Arthurian Studies. Où on vous parle de la métaphore universitaire de Renaud de Beaujeu. Mais il y a cet aspect avec Fantasy où tu dis justement l'enchantement, la métamorphose qui est brisée par un baiser, c'est un truc qu'on associe vraiment au conte de fées. Et puis d'habitude, maintenant, on l'associe à la première histoire des frères Grimm, Der Froschkönig, donc le roi crapaud, qui est transformé par le baiser. La première version, c'est pas un baiser, mais l'idée d'enchantement brisé, là, on le trouve, mais pour une dame, et c'est la dame qui l'embrasse, justement. C'est clairement pas intentionnel, parce que c'est des éléments qu'on retrouve sous d'autres formes, dans d'autres récits arthuriens, mais c'est peut-être un des récits arthuriens où c'est le plus concentré et le plus, disons, unifié d'une certaine façon. À ce titre, il ressemble beaucoup à Geoffrey, où on a le côté très dérivatif de chrétien, on a peut-être un peu de peine à le dater, puis on a des éléments, justement, de chevalier démoniaque, où on a envie de dire, ça probablement c'est un peu plus tardif, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment chez chrétien, mais c'est probablement le signe d'une tradition ou tournant de 1200 post-chrétien où on a ce genre d'histoire comme Geoffrey, comme le bel inconnu, avec des fées, où justement tous les éléments qui chez chrétien sont un peu en arrière-plan reviennent puissance 10, hein. On a des chevaliers démoniaques, on a des éléments beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus de géants, beaucoup plus de créatures maléfiques ou diaboliques, de la magie, mais des prophéties. Ce qui est intéressant, c'est ce côté justement presque plus réaliste en fait, ou plus, peut-être cynique dans les conséquences, et même si l'histoire en elle-même a des éléments plus fantastiques, plus étranges, le déroulement de son histoire suit une logique narrative qui est tout à fait différente de celle de la logique de l'amour ou de l'héroïsme, et suit des considérations purement pragmatiques, donc la relation finale entre la reine de Galles, qui permet un mariage politique avantageux pour la cour d'Arthur. En tout cas, c'est une histoire qui va rester dans les mémoires. On n'a qu'un seul manuscrit, un petit fragment, quelques fragments, mais comme on l'a dit, il a été traduit plusieurs fois, notamment en allemand, par Wirt von Gravenberg, qui est basé en Bavière, qui a fait Vigalois vers 1210. Il y a une introduction sur la naissance du héros qui est un peu différente, et il a que les premiers épisodes du Bel Inconnu, c'est-à-dire on n'a pas le fier baiser ni l'île d'or, donc on a vraiment que le début avec le guet périlleux, les géants, les acolytes, donc ce qui fait que c'est pas vraiment du tout la même histoire en fait, donc on a vraiment une influence du début de l'histoire, mais le cœur de l'histoire, donc avec ces deux femmes et puis la tension entre les deux, est pas présent là. On a Libos Desconus, dont on reparlera probablement sur les romances moyen-anglais, probablement écrit par Thomas Chestre. Oui, on ne sait pas. Thomas Chestre est associé directement avec un Lanval, ou un Longfal plutôt, qui est inspiré du Lanval de Marie de France. Alors que c'est possible qu'il ait aussi écrit Le Libos Desconnu, effectivement. Donc très, assez proche, mais comme on l'a dit, encore plus proche du début de Perceval. Là, on a vraiment une réinjection de Perceval. Qui a peut-être un intermédiaire, ou peut-être simplement qui tire... D'ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, la version anglaise n'est pas tout à fait identique à celle de Renaud de Beaujeu. Il reste un an auprès de la Dame au Blanchemain. Mais après, il n'y a pas tout le... qu'il part, une fois qu'il est rappelé à sa quête, il n'y a pas du coup l'épisode où il retourne auprès d'elle après avoir délivré la Blonde Esmérée. Donc il y a vraiment ce côté un peu plus simple, en fait, de la version anglaise, qui est beaucoup moins ambigu sur ce point de vue. Et une dernière reprise qui est assez importante, puis dont on parle beaucoup justement dans les prototypes, un peu dans les histoires analogues à celles de Perceval, c'est l'histoire italienne de Carduino, Il Cantare di Carduino, qui, probablement de la deuxième moitié du XIVe siècle, donc on est aussi au XIVe siècle comme Libos Desconnu, peut-être écrit par Antonio Pucci. Là, Carduino n'est pas le fils de Gauvin, mais de Dondinelle, donc de Dondinelle le Sauvage. Encore de nouveau, beaucoup plus proche de Perceval, donc là on a vraiment une volonté. Beaucoup de gens ont essayé de trouver un espèce de proto-Perceval archétype, donc c'est-à-dire des histoires qui auraient été préservées ailleurs, et ils se servent de ce genre d'histoire. Moi je suis pas du tout convaincu, parce que là on voit clairement à la fois une inspiration du Beau Déconnu et on réinjecte l'histoire de Perceval parce qu'elle est très populaire. Donc pour moi c'est plus une espèce de similarité littéraire où les gens connaissent l'histoire de Perceval parce que voilà, elle est très connue. Mais donc là on a l'aventure du fier baiser qui se passe dès le début, donc c'est l'épisode au début à la cour d'Arthur, en fait. Vraiment, ça introduit l'histoire. Il y a la jeune fille assaillie par des géants, on a une espèce d'analogue. On a une maîtresse d'amour qui donne des indications contradictoires, genre je veux que tu viennes dans ma chambre mais je veux pas que tu viennes dans ma chambre, comme ci comme ça, donc assez proche. Et des enchantements qui ressemblent un peu, mais l'histoire est assez différente. Et puis il y a plus une histoire familiale de vengeance. Donc là, on raccorde peut-être avec un thème analogue à celui de Perceval dans certaines histoires. Et puis tardivement, il y a une rédaction en prose dont on a déjà parlé dans notre épisode sur Geoffrey, qui s'appelle L'histoire de Guiglan, fils de Messire Gauvin, qui fut roi de Galles, et de Geoffroy de Mayence, son compagnon, tous deux chevaliers de la Table Ronde, qui donc mélange l'histoire de Guiglan et celle de Geoffrey en prose, en français, qui montre que ces histoires étaient encore connues au début du XVIe siècle. Et qui souligne en fait le fait à quel point ces deux histoires ont quand même des parallèles assez intéressants dans donc les on deux. On a cas. L'amant féerique, on a des combats démoniaques, des combats contre des géants qui sont très proches. Donc on voit un peu le côté, justement, tu disais high fantasy, mais je pense que c'est... La souveraineté de la dame qui doit être mariée à quelqu'un pour... préservation de l'héritage. Je sais pas, il y a des liens effectivement assez intéressants là-dedans qui sont beaucoup plus... qui vont... peut-être aussi donner naissance quelque part à ces histoires. On a vu l'histoire de... Ça paraît bête, mais je pense pas que c'est impossible que l'histoire des géants dans la version anglaise ait pu inspirer Tolkien pour son histoire de trolls dans Bilbo. Hein. Et qu'il y a des histoires analogues, justement, dans des contes ou des histoires de trolls, de géants, etc., qui finalement se puisent dans la même source ou bien s'influencent les unes les autres. Après, je veux pas dire que c'est le prédécesseur direct de notre fantasy moderne, parce que c'est clairement... presque plus un hasard de l'histoire qui fait que ces éléments-là se retrouvent concentrés dans ces éditions-là, parce qu'on les retrouve ailleurs. Hein, mais effectivement, on a l'impression, on a une familiarité avec certains éléments, donc l'écuyer un peu sarcastique et qui aide le héros qui psychanalyse un peu le héros au fil du temps. Puis je l'ai dit, une chose, c'est que, vous nous connaissez, peut-être un jour on aura notre vidéo sur le monomythe de Joseph Campbell, donc son idée que, oui, toutes les histoires de héros suivent ces 12 étapes, personne n'a lu mon livre, mais tout le monde le répète. Et puis, on peut être très critique, mais il a été formé en littérature arthurienne, il a fait un master sous la direction de Roger Sherman Loomis, quoi qu'on pense de ses théories, qui était quand même un analyste assez important de certains sujets arthuriens. Et effectivement, quand on lit ce genre d'histoire, on se dit oui, là, le monomythe marche assez bien. Et on a même les dimensions très freudiennes, justement, où il tombe amoureux d'une dame qui est cette image suprême de la femme, mais il ne peut pas la voir. Et puis, en plus, elle est très proche de sa mère. Oui. Et au final, il se case avec une autre dame. Donc là, je veux dire, moi, je suis pas très freudien, mais là, on a quand même, disons, l'analyse s'écrit toute seule, quoi. Où on voit, il a une dame qui est presque identique à sa mère, mais finalement, il peut pas la voir parce qu'il est trop concerné par le monde et il doit se séparer de sa femme-mère et il va marier une autre dame. Et aussi, tu l'as dit, la séparation entre une dame au Blanchemain et une dame dont on insiste sur la blondeur, on a peut-être la séparation entre Iseult la Blonde et Iseult au Blanchemain qu'on trouve dans l'histoire de Tristan. Il y a vraiment, c'est vraiment pour ça que c'est un récit intéressant, je pense. Et là, c'est vraiment un de ces récits que j'ai pas de peine à vous recommander à lire, si vous tombez la main dessus. C'est contrairement à certains textes, par exemple, je sais pas, Geoffrey, je vous le recommanderais volontiers aussi, typiquement, c'est le genre de récit arthurien. Si vous n'êtes pas fan absolu et que vous voulez pas lire des romans en prose de 15 volumes, édités seulement dans les années 30, qui ont des traductions faites au lance-pierre, ou alors des versions allemandes hyper complexes, je vous recommande de lire ce genre de récit, parce que c'est vraiment vous avez un peu le cœur de ce qui peut être intéressant dans la matière de Bretagne. On aurait pu le faire juste après Chrétien, c'est un peu comme Marie de France, où il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Geoffrey, mais c'est, je pense vraiment qu'il y a un côté... C'est intéressant de le voir un peu après, justement, parce que ça dénote une suite peut-être un peu moins... direct, c'est pas, on est clairement pas dans une volonté d'exploiter la suite de Chrétien ou d'insérer Chrétien dans un cycle, contrairement par exemple au, c'est une version moins sérieuse de Chrétien pour moi. C'est une version, c'est pas une suite aussi, disons, intense et aussi passionnée que peuvent l'être les continuations ou les versions en prose qui sont clairement des versions où on aligne le récit de Chrétien dans des grands narratifs beaucoup plus grands et où on voit quelque chose de beaucoup plus monumental et d'important. Là, c'est peut-être une échelle un peu plus, disons mineur en termes de d'influence et de conséquences pour le reste de la littérature européenne, mais c'est des récits qui concentrent beaucoup de choses intéressantes tout en l'abordant de façon un peu différente. Donc c'est en ça que je les trouve intéressants. Si je devais résumer, je dirais qu'il y a un petit effet kaléidoscope arthurien, où on a l'impression de voir justement des reflets déformés de plein de choses qu'on a déjà vues avant. Donc on se dit, ah tiens, un nain sympathique, un tournoi de l'épervier, une hache qui tombe, le chevalier qui veut aller au tournoi, mais sa femme veut pas. On a l'impression de voir justement tous ces éléments un peu déformés et reflétés, mais pour raconter une histoire qui est très différente. Et puis je trouve que c'est assez intéressant, et avec aussi le narrateur qui s'interpose pour nous donner « Laissez-moi vous parler de l'amour, les jeunes gens ». Il y a un côté assez... mais je pense pas qu'on puisse le voir, ces références à l'amour non plus, sans s'inscrire dans la volonté du narrateur globalement, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est possible, effectivement, que ce soit des revendications sincères, celles qu'il insère, mais c'est aussi possible que ça s'insère à but purement narratif et que ça ne serve pas, en fait, de but réel. Il n'y a peut-être pas d'âme pour notre beau jeu. C'est peut-être simplement une façon de se positionner et d'enrichir le récit par un commentaire métatextuel. En tout cas, peut-être que si on montre assez notre appréciation du Bel Inconnu, peut-être qu'un jour on aura le Bel Inconnu 2, Electric Boogaloo. Écrit à travers les âges par Renaud Beaujeu. On vous remercie de nous avoir écoutés, en tout cas pour cet épisode qu'on voulait un peu plus court, mais qui a été finalement de la même longueur. Je pense qu'on se satisfait gentiment d'avoir des épisodes de 2 heures sur une œuvre unique. Ça passe bien, je trouve. C'est pas non plus horrible à faire, et c'est pas horrible à concevoir, mais on espère que vous avez apprécié avec nous cette petite expérience un peu différente, peut-être, en termes de littérature arthurienne. On vous retrouve très bientôt pour notre épisode hors-série de cette année, qui va être un peu particulier, où on va essayer de nouveau d'aller à l'opéra voir Les Chevaliers de la Table Ronde de Hervé, et on parlera un petit peu de l'actualité arthurienne de cette année. En tout cas, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, et on espère vous retrouver la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. Bye-bye.